qu'un météore, bien plus fort que la mort. L'intraveineuse kérosène fait frémir l'intérieur de tes artères. Et si tu serres les fesses, c'est le curé qui confesse. Pas de temps à perdre, du temps, t'as pas le temps. Flash bleu se rapproche, concentration maximum. Pédale collée au plancher, rien ne peut t'arrêter. L'Audi fait une embardée. Putain de vol plané, tu vas t'écraser. Accélère, accélère. Les hommes en bleu hurlent et condamnent. Lâche ton arme. Les hommes en blanc s'occupent de mon âme. Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne. Ce soir ce sera ma dernière livraison. Dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Don't you know? I don't wanna leave you falling down. Géographie, mais vos clochers, ça vous suffit. Gardez bien vos œillères et un œil sur vos frontières. Parlez de vos frontières et un œil sur vos frontières. Que vous désertiez vos fronts hier. Vous parlez de vos frontières et un œil sur vos frontières. Quand vous désertiez vos fronts hier. inutile de tourner la tête. Car le chemin étroit et sans arrêt, vous serez contraint de verser le sang quand ils viendront de l'autre versant. Parlez de vos frontières, sur vos frontières, vous désertiez vos fronts hier. Vous parlez de vos frontières, sur vos frontières, vous désertiez vos fronts. Votre nation vive. Parlez de vos frontières et un œil sur vos frontières quand vous désertiez vos frontières. Vous parlez de vos frontières et un œil sur vos frontières quand vous désertiez vos frontières. Vous parlez de vos frontières et un œil sur vos frontières quand vous désertiez vos frontières. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h, on est ensemble pour 3h et on a déjà pris l'antenne depuis quelques temps, le temps de vous envoyer quelques morceaux qu'on vous a choisis spécialement pour cette émission numéro 592. Voilà, donc depuis le début de l'émission, on a déjà écouté quelques morceaux. Alors je suis en train d'essayer de regarder à nouveau la liste, parce que la liste je vous la mets en direct pendant l'émission, c'est-à-dire vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika et vous aurez les titres de tous les morceaux qu'on diffuse dans cette émission. Donc on avait commencé avec Pauline à la plage, avec un morceau, une reprise du groupe Niagara. Donc il s'agit d'un morceau qui s'appelle L'amour à la plage, donc ça va très bien avec Pauline. On a continué avec Dérapade qui était avec nous il y a quelques temps, hein. C'était il y a deux semaines. Le 19 avril, le groupe Dérapade était avec nous et à cette occasion on a découvert leur nouvel album qui s'appelle Banlieue et on vient d'écouter un extrait qui s'appelle Transporteur. À l'instant, c'est la nouveauté de la semaine, donc un morceau que personne n'a encore diffusé, c'est une exclusivité mondiale, hein. C'est notre ami Bruno Bauer. Alors j'étais en train de chercher, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais comme il y a toujours de l'actualité, Bruno, si tu nous écoutes et que tu as envie de venir passer une soirée un vendredi, comme par hasard, voilà, dans l'émission Mavrika, tu nous contactes et puis on te recevra avec beaucoup de plaisir. En tout cas, on a écouté un morceau qui s'appelle Frontières, voilà. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'édition numéro 592. La semaine dernière, nous avions reçu ici un groupe dans l'émission numéro 591, si vous avez bien suivi. Il s'agit du groupe Jache. Alors c'est un groupe qui a déjà participé à plusieurs émissions, qui a participé aussi à un Mavrika Live. Et à cette occasion, donc la semaine dernière, nous avions interprété plusieurs morceaux en live. Et justement, juste après, on va écouter un petit morceau qui s'appelle Rosa. C'est le titre de leur album qui vient de sortir. Il y en a un troisième qui est en préparation. Le premier, c'était un olivier. Le deuxième, c'est Rosa. Et puis, le troisième, on verra plus tard. En tout cas, le morceau a été interprété dans l'émission la semaine dernière. C'est le morceau que je vous passe. C'est en exclusivité mondiale. On est le seul à vous le passer puisque c'est la version Mavrika. Voilà. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons un invité. En vérité, il va y avoir plusieurs personnes qui vont intervenir. Alors, la personne... c'est tellement évident. Alors je sais pas si vous avez vu, vous avez sûrement vu l'affiche sur le Facebook de l'émission Mavrika et sur le site de radio-arc-en-ciel.fr et j'ai oublié de mettre son nom, mais c'était tellement évident tu remarqueras. Alors, le premier étonné, même lui, il s'en est pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte que tout à l'heure, à l'impression, effectivement, il n'y a pas son nom. Mais c'est tellement évident. C'est notre ami Alex Levaille qui est là ce soir dans l'émission. Et il est entouré de plusieurs personnes. Il va y avoir plusieurs intervenants. Il nous a préparé quelque chose. Il nous a préparé plein de choses pour ce soir. Donc, on est ensemble jusqu'à 22h. On va passer un très bon moment. On écoute le groupe Jache avec Rosa et on se retrouve avec Alex juste après. Oh, Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et puis là on vient d'écouter un grand moment, c'était un grand moment la semaine dernière, c'était un moment d'émotion parce qu'il nous avait parlé un petit peu de l'histoire de cette chanson. Angie était là, elle interprétait donc cette chanson en direct, hein, ça a été enregistré one shot, hein, comme on a l'habitude de le faire dans l'émission Mavrika. On passe toujours des bons moments, moi à chaque fois c'est vraiment pour ça que je fais de la radio, c'est pour ça, rencontrer des gens comme ça en direct et puis j'ai quand même la chance d'avoir des artistes, les plus grands artistes de la région sont dans l'émission Mavrika. C'est le cas aussi ce soir. Donc c'était le groupe Jash avec le morceau Rosa tiré du dernier album et ça c'était la version acoustique enregistrée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On revient dans les studios justement avec la petite musique de fond parce que nous avons nos invités. Alors tout à l'heure j'ai déjà annoncé qu'il y en avait un, on a l'habitude de le voir, c'est la quatrième fois qu'il vient ici dans les studios. Il s'agit d'Alex Lebay. Salut Alex. Bonjour Albino, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Ça va bien aujourd'hui ? Ah bah super, très bien. En plus il y avait un petit peu de soleil tout à l'heure, mais on est arrivé dans les studios, il y a eu de la pluie à nouveau. On espère que le beau temps va revenir parce qu'on commence à manquer un petit peu de soleil, heureusement. Oui, ça serait bien. Hein. Tous les vendredis soirs, il y a un petit peu de soleil dans l'émission Mavrika, donc sur Radio Arc-en-Ciel. Alors aujourd'hui, c'est ton émission, c'est l'émission numéro 592 et tu nous as préparé pas mal de choses. Donc il y a pas mal de surprises, tu m'avais annoncé un petit peu ça et donc il va y avoir plusieurs intervenants dans l'émission. Oui, on va avoir des invités, on va parler de l'actu, du prochain album qui va arriver aussi. Et puis juste avant, moi j'aimerais qu'on dédie cette émission parce que j'avais dit que je le ferais un petit gars que je suis depuis un bout de temps qui s'appelle Harold et que j'accompagne à la guitare dans des cours de guitare on va dire mais c'est lui qui commence à dépasser le maître maintenant. Je pense que les cours il est une marge de progression, c'est un jeune presque adulte hein, qui a une marge de progression qui est incroyable et qui apprend très très vite. Donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil ce soir et lui dire que on pense voir à lui parce qu'il n'a pas pu venir malheureusement, mais une prochaine fois il viendra dans les studios. Tu sais qu'on est ouvert, on est là tous les vendredis soirs pour recevoir des artistes et c'est toujours un plaisir pour moi de revoir ceux qui sont déjà venus mais aussi de découvrir de nouvelles personnes qui sont pas encore venues dans l'émission. Donc à chaque fois c'est toujours un bonheur hein, dans l'émission Mavrika parce que tous les auditeurs peuvent assister à des lives. Ce soir, il y aura des lives. Il y a aussi, on raconte toute l'histoire. Donc, on va revenir un petit peu en arrière sur ta carrière. On va te replacer. L'émission va durer jusqu'à 2h30 du matin. c'est vrai que 3h, des fois, on arrive au bout. On se dit, est-ce qu'on a eu le temps de tout dire? À chaque fois, c'est ce qu'on se dit. Et puis, des fois, on se dit, on a oublié telle chose. Ça sera l'occasion de revenir dans l'émission pour en parler. Alors, ce soir, en plus, tu n'es pas venu tout seul. Oui, je suis venu avec Amandine. Qui est une artiste en devenir, que je suis depuis maintenant quelques mois, et dont j'essaie de conseiller un petit peu sur les rouages du métier, ce qu'il faut faire ou pas faire. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment de recettes, mais voilà, j'essaie d'être un petit peu l'épaule par rapport à moi, ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait pour qu'elle arrive sur un terrain pas conquis, mais avec un peu moins d'appréhension, moins de peur et tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir sur cette émission très très belle de Albino Mavrika. À chaque fois, t'as vu, je souris à chaque fois. T'es le seul animateur radio où je suis super souriant et content de venir à chaque fois. Donc c'est génial. Dans les autres radios, tu fais la gueule alors. Non. Mais on est vraiment à la maison. En fait. On est comme à la maison. Une qualité d'accueil et de tout ça. Donc c'est génial. Merci Albino pour tout ça et pour tout ce que tu donnes à tes auditeurs et tout. Ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça. Enfin, moi, je le fais avec mon cœur et je pense que c'est pour ça, ça se ressent dans l'émission. Quand on fait quelque chose qui nous plaît pas, des fois on le fait, des fois c'est pour de l'argent ou pour d'autres choses. Il y a des gens qui travaillent, ils font des métiers. Moi, sur Radio Arc-en-Ciel, tous les animateurs sont des bénévoles. Donc si on est là, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est pas pour autre chose. Donc on fait ça avec notre cœur. Et puis après, la rançon de cette émission, c'est justement de rencontrer des gens super sympas qu'on retrouve après en concert, qu'on suit. Voilà, il y a toute une aventure humaine derrière tout ça. Et donc nous, on s'intéresse à la carrière des artistes. Tu vas nous rappeler un petit peu toute ta carrière. Et puis, on aime aussi le côté humain. Voilà, c'est la chose, c'est ce qu'on met aussi en valeur, c'est que derrière chaque artiste, il y a un être humain et avec une sensibilité. Et J'essaie de dévoiler un petit peu leur univers dans l'émission Mavrika. Bonsoir Amandine. Bonsoir Albino, bonsoir à tous les auditeurs. Merci à Alex de m'amener et puis bah, de me conseiller. Donc comme il disait, je viens de tout lâcher pour consacrer ma vie à la musique. D'accord. Donc je suis en train de construire mon univers, d'enregistrer un EP. Et j'espère venir prochainement avec mes titres. Ah bah, du avec coup. Plaisir. Hein. Voilà, je pense en septembre. Et vous pourrez me retrouver sous le nom de Mayel, du coup, puisque voilà, ce sera mon nom d'artiste. D'accord, Mayel. Donc, Mayel, c'est donc... le nom d'un ange gardien. Ah voilà. Ouais, d'accord. Parce que oui, c'est vrai, en L, Gabriel, Raphaël, voilà. Etc., Michel. C'est ça. Donc ça, c'était les archanges. C'est oui. Carrément les archanges. Hein, c'est ça. Et c'est un petit peu ton ange gardien, alors. C'est un de mes anges gardiens, ouais. Très bien. C'est l'ange gardien des artistes. Des artistes. Ah bah voilà. Donc, ça tombe bien. Moi, j'aime bien dans l'émission, c'est que moi, je parle beaucoup, mais en vérité, j'apprends beaucoup. Moi, j'aime bien, justement, quand il y a des gens qui me... Voilà, je ne savais pas du tout que c'était l'archange, l'ange gardien des artistes. Et ben voilà. Et ben maintenant, je sais. Là, je me coucherai moins bête ce soir, voilà. Impeccable. Donc, on est ensemble jusqu'à 22h. Le temps passe très vite. Donc, ben, déjà une demi-heure qui est passée, mais on a encore le temps. Donc, on va commencer déjà par faire un clin d'œil à une personne qui est venue il n'y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, le groupe s'appelle Anaïs from Paris. Et donc, Anaïs, elle traverse un truc un petit peu douloureux actuellement. Et puis, on a envie de lui remonter un peu le moral. C'est ça que tu voulais faire Oui, c'est ça. Puis, c'est vrai que, comme tu disais, elle est déjà venue. Et, ouais, elle fait partie de la Mavrika's Family. Oui, et puis c'est pareil, c'est une artiste que je suis beaucoup, hein, qui est plus en région parisienne, du coup. Mais, c'est grâce à toi que je l'ai connue et on avait passé un très bon moment, je me souviens. Elle a une très belle voix. Elle a une voix particulière, franchement. C'est... Et puis, de temps en temps, je me souviens, quand j'avais été te voir, tu étais en concert avec la Jarry, ils étaient là aussi, oui. Ça m'a fait plaisir, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient là. Et comme ça, bon, on se retrouve de temps en temps. Et là, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus non plus. Donc, si tu as des nouvelles, non? Oui, j'ai des nouvelles de temps en temps. Ils ont ressorti quelques titres. Là, j'avais vu un peu sur les réseaux. D'accord. Donc voilà, j'invite les auditeurs à les suivre. Anaïs from Paris. Très bien. Et puis du coup, on va pouvoir mettre une chanson de. On va écouter une chanson justement d'Anaïs from Paris. Pour se rendre compte de cette voix. Moi, j'adore beaucoup sa voix, Anaïs. Alors le morceau qu'on avait choisi, tu l'as. Oui, mais oui. Donc c'est une compo, voilà, hein, je le retrouve. C'est une compo que eux ont fait et qui s'appelle Je n'ai pas décidé de souffrir. Voilà, donc moi je l'ai calé, c'est vrai que tout à l'heure j'ai cherché le nom, mais là les mots me venaient pas, donc heureusement que t'étais là pour me repêcher. Donc je n'ai pas décidé de souffrir, et on n'est pas là pour souffrir, on est là pour... ce que je voulais aussi annoncer, que c'est que depuis qu'on fait l'émission Mavrika, aucun artiste n'a été maltraité dans cette émission. En tout cas, ça s'est pas su. On s'est débrouillé pour que ça se sache pas. C'est rassurant. Non, je plaisante. Voilà. En tout cas, de toute façon, là, j'ai publié aussi les photos. La semaine dernière, nous avions le groupe Jache. J'ai publié les photos et ça se voit sur leur visage qui souffrent, les artistes, quand ils viennent dans l'émission Mavrika. C'est toujours plein de sourires et ça me fait toujours plaisir. Donc, vous pouvez aller les voir. Vous allez sur, c'est simple, vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika Albino, vous allez sur photo, vous allez sur album et vous avez tous les albums de tous les artistes depuis pas mal de temps déjà. Donc je vous invite à y aller et pendant cela on écoute Anaïs from Paris avec Je n'ai pas décidé de souffrir. J'attends impatiemment ma fin. un soupir, un souffle. Mordicus, mon corps plonge dans un ravin. Donne-moi un regard pour penser mes peines. Retiens mes larmes de tes baisers d'oxygène. Donne-moi l'espoir d'oublier que je crève. Retiens-moi de cette terrifiant, cette douleur m'invite tous les jours à la rejoindre sans perdre de temps. Je lui dis fuck en retour. Un vide a pris plus de place, me ravage comme une tempête de glace. Qui me lie à mes proches, le cordon en moi s'effile. Donne-moi un regard pour penser mes peines. Retiens mes larmes de tes baisers d'oxygène. Voilà, c'était Anaïs from Paris. J'adore sa voix. À chaque fois, voilà, ça me fait toujours plaisir de la réécouter. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Je n'ai pas décidé de souffrir. Et donc, on n'est pas là pour souffrir. On est là justement pour passer des bons moments. Et ce soir, nous avons dans les studios de Radio Arc-en-Ciel deux artistes. Hein. Il y a notre invité qui est Alex Le Bay, et il est venu accompagné de Amandine. Voilà. Donc, on va commencer à discuter un petit peu d'Alex. Alors, Alex, toi, tu es un artiste professionnel, hein. Oui. Tu es aussi professeur, donc tu suis pas mal d'artistes. Donc, ça fait plaisir que tu en ramènes dans les studios. Mais oui. Parce que. toi, tu donnes des cours de guitare, de chant. Comment ça se passe? Oui, cours de chant, cours de guitare, accompagnement. D'artistes pour aider sur un peu tout, tu vois, les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on prépare des concerts. Aujourd'hui, être artiste, c'est pas seulement la chanson, on monte sur une scène et on chante. Non, il y a toute une préparation derrière. Il y a un côté aussi technique, il y a aussi les instruments, il y a aussi, il faut avoir quand même une vitrine sur le monde, donc il faut que les gens puissent savoir ce qui se passe. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a les sites internet, etc. Donc toi, tu es artiste depuis combien de temps? Depuis toujours, ça, je suppose. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Oui, depuis toujours. On va pas reprendre. Depuis quand? J'ai commencé la guitare. Comment quand est-ce que tu as décidé de te consacrer uniquement à la musique? Ça s'est vraiment déclenché, pour ceux qui ne le savaient pas encore, pendant le confinement, avec cette fameuse chanson Covid-19. Voilà. que j'avais fait pour remercier, les soignants. De toute la France et même du monde entier. Et un petit peu à l'instar de ce qui se faisait dans les grandes villes, à Paris, à Lyon, un peu partout. Et puis cette chanson, je ne sais pas si tu te rappelles, elle est prise dans les 30 000 vues en 2-3 jours. Et c'est de là que les médias ont commencé à s'intéresser un petit peu à les chaînes de télé, les radios, etc. Et puis j'ai vu ça un peu comme une évidence de dire allez, en fait, c'est un signe et c'est le moment de se lancer vraiment. Et puis et avec des magnifiques rencontres, hein, et des musiciens hors normes comme j'appelle toujours, on est né un premier EP Et puis un album qui est sorti au mois de septembre. Et puis là, on travaille sur le troisième album, mais on en reparlera un petit peu plus tard de ce gros, gros projet, puisque le public va participer avec moi sur cet album. Donc, c'est quelque chose d'un peu inédit. Donc, on fera un aparté vraiment que sur ça un petit peu après. Mais, On va développer. Ouais. Voilà, pour l'instant, on présente un petit peu l'artiste, Alex Lebaille. Donc, toi, tu chantes en français. Oui. Tu es auteur, compositeur, interprète. C'est ça, j'écris mes textes, chansons aussi. Et en plus, tu as des messages à faire passer, tu as des émotions à faire passer aussi, parce que tes chansons, elles ont toujours un sens, il y a toujours quelque chose derrière. Alors, là, tu vois, on parlait d'Anaïs juste avant, avec sa chanson-là, et tu te rappelles, ma première chanson que j'avais fait, donc il y avait le Covid-19, mais celle-ci, je ne l'ai jamais enregistrée, parce que je ne voulais pas faire d'argent, en fait, sur ça. Et donc sur le premier EP, la toute première chanson s'appelle La Vie. Et je l'avais expliqué sur la première émission qu'on avait fait il y a déjà au moins 3 ans, que dans une journée, sur une centaine de moments, on a 2 moments qui sont négatifs. Et quand on va rentrer chez nous le soir, on va occulter les moments positifs, les sourires des enfants, la discussion autour d'un café, etc. Parce que les 2 moments négatifs, ils vont nous plomber notre soirée. Ouais. Il suffit qu'il y ait un truc qui se passe mal, et puis souvent, on se concentre là-dessus. Et c'est ça qui nous gâche un petit peu le reste. C'est ça. Donc, finalement, toujours, il faut se concentrer sur le positif. Sur le positif. Et voir que, il y a 98 moments qui étaient beaux. Donc, il faut pas se concentrer sur les 2 mauvais et puis aller de l'avant et voir qu'il y a des belles choses. Même dans les moments difficiles, il y a quand même des belles choses autour de nous et il faut essayer de, au maximum, c'est facile à dire, mais bon, après j'ai un vécu où je peux le dire et légitimement expliquer qu'il faut voir les belles choses malgré les difficultés, mais c'est vraiment le message le plus important, ça, de voir qu'autour de nous, il y a la vie, tout simplement. Tout simplement. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens qui ont passé des épreuves ou des choses comme ça, souvent, c'est les plus humbles. Parce que finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose de très grave. C'est là qu'on se dit, finalement, la vie, il faut en profiter au maximum, parce que on n'a qu'une vie, elle dure un certain temps. Hein, on est programmé comme ça. On est de passage. Et ce qu'il faut, c'est en profiter au maximum et surtout faire des choses positives. Parce que moi, je pense que tous les êtres humains, en tout cas moi je suis comme ça et je suppose que les autres sont comme ça, je veux y croire, c'est que les êtres humains, ils viennent sur Terre et ils voudraient laisser la Terre mieux qu'ils l'ont trouvée. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, et surtout aujourd'hui, on commence à se poser des questions de plus en plus. Mais voilà, moi, j'aimerais laisser quelque chose de meilleur que ce que j'ai trouvé. Voilà, et j'aimerais que ça aille dans le bon sens, quoi. Et voilà, c'est le message positif. D'ailleurs, il y a une des phrases qu'on dit à la fin de chaque émission, c'est "Everything is gonna be alright". Voilà. Donc, message d'espoir qu'on dit à chaque fin d'émission. Donc voilà, en tout cas, tu résumes bien ta manière de penser, qui est tout à fait compatible avec la Mavrika Family, avec l'esprit Mavrika, comme on dit. Et c'est pour ça que tu reviens régulièrement, parce que franchement, on passe à un très bon moment. Et à chaque fois, moi, je t'écoute et à chaque fois, j'apprends plein de choses sur toi et puis et sur les paroles de tes chansons, ce que tu as voulu dire dessus. Donc moi, j'ai calé un morceau juste après, c'est « Défends-moi ». Donc tu veux peut-être nous en parler un petit peu aussi de cette chanson-là. Oui, donc je te rappelle que donc du coup le premier EP qui s'appelait La Vie. La Vie. C'est un petit peu une cartographie. Ouais, vas-y, continue de la dans vie. Dans ton truc parce que tu t'es fait un plan dans la non, tête et moi j'étais un pas petit du peu. Tout, mais c'est j'étais pour arriver justement. Ouais, mais t'as bien raison. Tu vas passer et donc du coup on faisait une cartographie de la vie avec les bons mais aussi les mauvais moments et on était un petit peu sur une phase descendante avec une rupture, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale, enfin voilà, il s'est passé quelque chose où on n'était pas forcément serein. Et puis, sur la dernière chanson, qui s'appelle I Find a Song, celle qui bouge un petit peu plus, et on retrouvait de l'espoir et on s'est dit, bon, allez, malgré cette mauvaise passe qu'on a eue, une rencontre ou autre chose fait qu'on reprend goût à la vie. Et puis, sur ce premier titre du nouvel album qui s'appelle Je me défends. On est après ce regain d'énergie, on envoie un petit peu valser, on va dire, les gens qui ont été néfastes pour nous. Donc on s'attaque pas au diable, comme je dis dans cette chanson. Et puis et ça veut dire que maintenant je vais de l'avant et j'ai du monde autour de moi qui va m'aider à affronter tout ça. Donc c'est un nouveau départ et c'était donc le titre de cet album. Voilà, et en plus quand tu vois la vie avec un côté positif, bah les gens ils le voient en toi, et donc du coup tu attires aussi des gens positifs, hein. Je pense que c'est comme ça, hein. Oui, mais on attire aussi du négatif. Ça, malheureusement, bah, ouais, ça c'est le truc du yin et du yang. Ça veut dire que c'est vrai que le négatif attire le positif, hein, les deux pôles d'un aimant. Et c'est vrai que souvent en cherchant les belles choses, parce que bon, les gens à la limite qui rencontrent des problèmes mais qui les ont provoqués, à la limite ça les touche pas, mais je vois que toi tu es quelqu'un qui veut toujours améliorer les choses, tu veux des choses positives, et dès qu'il y a une négative qui vient, ça interfère tellement que ça te pourrit la journée, comme tu me l'as expliqué tout à l'heure. Donc, tout simplement parce que toi dans ta volonté c'est toujours d'avoir un esprit positif et tout ça. Et d'aider les autres. Et aider les autres. Et puis, il suffit des fois d'un mauvais élément qui soit perturbateur autour de toi. Parce qu'il y a aussi le côté où, des fois, on est manipulé par d'autres personnes. Et puis, il faut occuper ça. Et puis, se consacrer aux gens qu'on aime. Et c'est ça le plus important. On va écouter donc... Je me défends. Donc, le titre du le dernier... Premier titre, le premier titre album. Du dernier album. Voilà. On écoute tout de suite Je me défends, avec notre ami Alex Le Bail. Ah, il n'y part pas. Mais oui, parce qu'il se défend aussi. En fait. Ouais. C'est ça. Il y a un petit souci technique, mais j'ai vu d'où ça venait, donc ça va être vite arrangé. C'est parti. Tout me prend, m'anéantir, me détruire, tes mains encore en tremble. Tu ferais mieux de fuir. Et la rancœur, violence, avarice et haine, ses péchés sont sans pudeur. We are.

Voilà, on n'a pas le choix dans l'émission Mavrika, c'était le groupe La Jarrie. Et juste avant, nous avions écouté donc notre ami Alex Lebaye, qui est notre invité, avec un titre qui s'appelle Je me défends. Et on a aussi écouté le groupe Sonic Lag, un groupe que nous avions reçu il y a quelques semaines. Donc on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on va continuer donc cette émission avec notre ami Alex Lebaye. Donc on a encore plein de choses à découvrir et on est ensemble jusqu'à 22h. Voilà, donc Alex, là on a écouté un petit peu de musique. Tu continues de nous raconter un petit peu ton histoire? Oui, donc bonsoir à tous, je m'appelle Alex. Alex, ouais. Donc, tu es venu avec ta maman? Donc ce premier EP qui était sorti, qui s'appelait La Vie, et qui s'appelle d'ailleurs toujours La Vie, hein. Donc comme tu disais, j'avais écrit les paroles, les musiques, etc. Pareil sur le nouvel album, hein, j'écris tout. Est sorti en 2021. Et puis en 2023, j'ai sorti mon nouvel album qui m'a permis notamment de faire la première partie de La Jarrie. Et puis mais aussi pas mal de choses, la première partie de Mano. Enfin voilà, on est parti un petit peu partout avec beaucoup de public et ça a été accueilli de la plus belle des façons. Et je remercie tous ceux qui me suivent et qui m'aident à chaque fois, parce que sans eux, quand on est autoproduit, c'est assez compliqué quand même de se faire de la pub et de tout gérer, parce que comme tu disais tout à l'heure, hein, faut tout gérer, ouais, tous les réseaux sociaux, il faut gérer les démarchages de concerts, les radios, les plateaux télé, vraiment tout quoi, en fait, hein. Donc on se rend pas compte, mais c'est quand même plusieurs boulots en fait dans un seul. Donc ça demande c'est un boulot à plein temps en tout cas, hein. Même plus que plein temps. Ouais, parce qu'en plus les artistes souvent ils se produisent aussi le soir, les week-ends, donc c'est là où ils vont rencontrer le public. Alors comment ça se passe, tu as fait beaucoup de concerts depuis moi j'avais été te voir justement en première partie de La Jarrie, tu as participé aussi à Mavrika Live. Oui, voilà, oui, tu faisais des interplateaux avec Melody Road, Custom et le groupe Yeti. Oui, voilà, donc c'est des groupes que tu as rencontrés, tu as encore des liens avec eux ou ça s'est fait comme ça et puis on avait reparlé un petit peu et puis là depuis on s'est pas reparlé pour l'instant, mais on est toujours on a toujours le contact en tout cas. Donc, très bien. Voilà. Donc oui, non, après en nombre de concerts, je sais pas du tout, je crois que j'avais regardé, mais ça fait un bout de temps déjà, mais je dois être depuis 2021, peut-être 150 concerts. Ah ouais, quand même. Ouais, donc maintenant, c'est bon, sur scène, tu as ta place, t'as l'habitude. Ça commence à se roder, mais c'est vrai qu'au début, c'est pareil, hein, c'est pas inné, et ça se travaille aussi, hein, d'être là pour le public, de partager avec son public, de trouver quoi faire, quoi dire aussi pendant les concerts, c'est pas forcément évident, mais comme en tout plus, en fait, c'est pas évident. Moi je me souviens quand t'étais en première partie de La Jarrie, tout seul sur scène, une guitare une voix et tout était là, parce que finalement je trouve que tu en étais bien sorti. En plus, tu t'es adressé tu m'as dit, voilà, moi, je vais pas faire des trucs trop compliqués. Je vais parler comme j'ai l'habitude de parler avec les gens. Tu t'es adressé au public et je crois que c'est passé, hein. C'est passé super bien. Parce que le public a adoré, en tout cas, a apprécié ta manière d'intervenir et de jouer des morceaux. T'étais là avec ton téléphone, parce que t'étais aussi accompagné avec, tes musiciens. En bande son, ouais. En bande son, ouais. Voilà. Donc, tu gérais tout ça. Et je me souviens, c'est un super bon moment et en première partie de La Jarrie qui pour ceux qui les connaissent savent qu'ils envoient qu'ils mettent le feu à chaque fois sur scène, donc c'était quand même quelque chose de grandiose et tu t'en es super bien sorti, franchement. Merci, bravo, beaucoup. Voilà, donc tu as quelques concerts que tu as envie de nous citer, où tu as eu de bons moments, tu as partagé des bons moments avec d'autres artistes. Oui, bon, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines, là, donc je suis toujours sur mon album qui est sorti au mois de septembre, où là, du coup, j'ai commencé ma tournée pour cet album-là, en fait, hein, pour véhiculer mes nouvelles paroles, en attendant le prochain dont on parlera après. Mais oui, on a fait un concert pour les Restos du Cœur avec il y avait Tiad, Magali Vahe, la gagnante de la Star Academy 5, Caroline Costa qui avait fait qui était en finale de The Voice il y a pas longtemps, qui a fait un incroyable talent et qui était la chanteuse avec Matt Pokora sur Robin des Bois. Il y avait Lali Ménian qui est une des actrices de Hélène et les garçons, les mystères de l'amour et tout ça. D'accord. Donc, c'était sympa comme rencontre. Et puis après, je suis parti chez Richard Cross, qui est un ancien de la Starac aussi, un ancien professeur, où là, on a fait un concert dans une jolie salle dans la Sarthe. Avec notamment, il y avait Jessie Fassano qui est une choriste de N'oubliez pas les paroles. D'accord. Donc voilà, pas mal de choses sympas. Ouais, tu nous cites plein de choses comme ça ça parle aux gens parce que effectivement, les artistes, des fois, ils peuvent nous parler d'autres artistes qu'on connaît pas forcément. Mais là, tu nous cites quand même des artistes que les gens peuvent retrouver à la télévision etc. Oui. Donc des gens qui sont assez connus quand même. Voilà. Non, il se passe plein de belles choses. Il y a eu le Printemps de Bourges la semaine dernière aussi, qui était vraiment un super moment et très très bien accueilli par le public. Et puis voilà, pas mal de dates. Là, je vais partir en Eure-et-Loire, dans le 41 aussi, là, au mois de mai. Et Eure-et-Loire aussi au mois de mai, fin mai, un petit peu partout, en fait. D'accord. Et puis, tu as des dates déjà, ou tu as amené ton agenda avec quelques dates que tu peux citer ou... Oui. Bah après, pour les Orléanais, il y aura donc le plus proche, entre guillemets, ce sera le 11 mai à l'Estiou. Dans le 41. D'accord. Voilà, qui est un concert où je suis tout seul, qui commencera vers 19h30 à peu près. Ensuite, après, je m'en vais trop loin, donc les Orléanais pourront pas venir, mais au mois de juin, il y a un gros festival. Va savoir. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de gens qui te suivent. Bon, il y a des gens qui te connaissent comme ça, qui te suivent, mais il y a aussi, je pense qu'il y a un noyau un peu dur qui va à tous tes concerts. T'as des personnes comme ça qui te suivent. Oui, d'ailleurs, on peut même leur faire une dédicace. sur ma sortie d'album et même sur plein d'autres concerts, j'ai Mélanie qui vient me voir. Et Mélanie qui est une fidèle et qui habite en Normandie. D'accord. Donc qui est venue, pour ce concert de sortie d'album. Il y a aussi Grégory qui lui est du Nord, qui était venu aussi pour la sortie d'album. Donc oui, j'ai quand même quelques personnes qui sont là. Et d'ailleurs, peut-être une autre personne qui est là, parce que ça, on entend le téléphone sur la radio, donc tu vas nous dire qui appelle. Ce qu'on va faire, on va envoyer un petit morceau, et pendant ce temps-là, on va répondre au téléphone, et puis on reparle de tout ça juste après. We'll play for you and I want. Let's get party. Are you ready for rock and roll? Hey, sing with me. Ceux qui Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après une petite série musicale. On a écouté Elixir avec Don't Let Down. Donc le groupe Elixir qui était avec nous le 23 février, ils étaient venus nous présenter le groupe, hein, un superbe groupe à voir absolument sur scène. Et juste après, c'était notre invité de ce soir, notre ami Alex Lebail, qui est toujours là, voilà, accompagné d'Amandine. Hein, ce soir, t'es pas venu tout seul. Et on va aussi retrouver quelqu'un au téléphone. Donc, on va voir si tout fonctionne bien. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah bah tout marche bien du premier coup, impeccable. Donc, tu nous as appelé tout à l'heure. Tu voulais parler avec monsieur. Non, moi, j'ai appelé personne. Moi, je voulais gagner la valise RTL. La valise RTL. Bah voilà. Alors, combien y a-t-il de lingots dans la valise? Deux. Non, il y en avait trois, voilà. Voilà, donc tu voulais parler à un monsieur en casquette noire qui se trouve devant moi, de l'autre côté de la vitre. Ah non, moi je veux parler à personne, moi. À personne. Il veut parler à son vélo de Saran jusqu'au studio de Arc-en-Ciel. Ouais, mais t'as vu le temps qu'il fait, je serais bienvenu, mais il pleut. Bah voilà, c'est ça. Mais je suis déjà venu à Arc-en-Ciel hein, à l'époque, hein, en vélo. D'accord. Là, il pleut, je vais pas venir. Ben, je serai venu, hein, t'inquiète. Il s'agit bien sûr de notre cher Stéphane, qui me suit depuis un bout de temps maintenant, Stéphane. Hein. Ah bah oui, ça fait un petit moment déjà qu'on se connaît. Et donc, il a fait la partie sur la casquette, parce qu'il a aussi la casquette de mon sponsor, qui est Barbu Brother. Et puis voilà, qui lâche pas d'ailleurs, hein. J'ai vu que tu l'emmenais un petit peu partout avec toi. Bah oui, bah je la porte, hein, je la porte le week-end. Donc voilà, vous avez le même truc vestimentaire, quoi. Enfin, vous suivez la. Non, il manque juste les t-shirts. D'accord, c'est ça. Stéphane, d'ailleurs, que je vois, il faut qu'on retrouve un petit moment pour que je vienne, mais j'interviens dans un centre handicapé à Saran. D'accord. Pour faire des ateliers percussion, en fait. Pendant deux heures, on fait un atelier percussion dans ce centre-là. Et puis, Stéphane travaille juste à côté, donc de temps en temps, quand j'ai le temps, je m'arrête pour lui faire un petit coucou et pour boire un café, discuter cinq minutes. Bah, en plus, on a une nouvelle machine à café. Bah voilà, du coup, ce sera l'occasion. Et je suis toujours accueilli avec le sourire et la gentillesse. Yes, donc merci Stéphane pour tout et pour ton suivi depuis le début. Mais le monsieur qui est au micro là, qui présente l'émission, il peut venir boire un café s'il veut la prochaine fois. Ah bah oui, pourquoi pas. Donc en plus, Saran, c'est pas très loin, donc à l'occasion, bah, on arrange ça avec Alex et puis on ira faire un petit tour. Ouais. Il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, je suis en congé, donc il faudra venir l'autre semaine d'après. D'accord, voilà, le rendez-vous est pris à 21h. Non, à 21h, on est fermé. Non, à 21h, en plus, pour boire un café, c'est un petit peu juste. Ou alors après, il faut faire la fête pendant toute la nuit. Hein. Non, mais ça sera avec plaisir. Très bien, donc on va avec Alex, et puis un jour, on ira faire un petit tour. Voilà. Ok, bah, ça marche. D'accord, très bien. Tu voulais dire quelque chose de particulier à Alex? Non, que bah, je suis très content pour lui. Là, hâte que son troisième album se mette en route, et puis voilà. Voilà, donc il nous a sorti un premier EP, un superbe album, et puis maintenant on a hâte de voir le troisième, la suite de ses aventures musicales, parce que comme il nous habitue à des bonnes choses et qu'à chaque fois il est comme le bon vin, à chaque fois il le fait de mieux en mieux. Le pire c'est qu'il le fait bien, ouais. Il le fait pas exprès. Et le pire c'est qu'il fait des albums avec aucune reprise, hein, c'est ses propres chansons. Ah ouais, tout à fait. Ça là-dessus il nous l'a déjà expliqué. Donc il est inspiré, il a des belles paroles, il fait une belle musique, il met les deux ensemble et puis il les interprète, voilà, il fait vraiment tout. Hein. Ah ouais, c'est ça. Bah, moi j'ai le titre d'une chanson, alors j'ai pas encore les paroles, mais ça s'appellerait Éphémère. D'accord, ouais, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose cette chanson-là. Faut juste que je trouve les paroles. D'accord, bon on va peut-être les trouver et peut-être il y aura l'interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel de cette chanson-là. Ah bah pourquoi pas, ça pourquoi bien. Pas ouais, parce que je vois qu'il a sa guitare et puis je crois que ça le démange un petit peu de la gratter. Donc moi je lui mets au défi, tiens, monsieur Alex Lebel. Ouais. Tiens, au lieu de chanter ta chanson éphémère, chante-moi une chanson de Goldman. Ah mon Jean-Jacques. Ou Johnny Hallyday, un des deux. ça sera plutôt... moi, je vois, Alex, c'est plutôt Goldman que Johnny Hallyday, non? Enfin, bon, après... Ah, et soyons fous, tiens, Daniel Guichard, le gitan. J'aime Stéphane avec son amplitude de connaissances. D'accord. On est passé quand même de Guichard à Hallyday... avec un Goldman au milieu. Attends, je t'ai pas demandé de chanter du Metallica. Hein. En attendant, bon, il cite quand même de grands artistes français. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Ah, c'est normal. Moi, je suis fan de chansons françaises des années 80. Donc, Très bien. Ça me rappelle, moi, il y a une chanson qui m'est revenue en tête que j'avais complètement oubliée depuis 30 ans. C'est une chanson de Nicolas Pirac. Alors, tu vois, Nicolas Pirac, j'avais complètement... Et hop, j'ai écouté la radio et je dis, ouais, c'est une belle chanson quand même. C'est So Far Away from L.A. Ah, je sais pas si tu connais. Et c'est vrai que des fois, il y a des chansons comme ça qu'on a un petit peu oubliées et puis ça nous les... On se rappelle de ces chansons-là. Après, ça nous trotte un petit peu dans la tête. Donc, moi, Daniel Guichard, le gitan. Daniel Guichard, le gitan. Alors là, je crois que Alex a pris sa guitare. Sinon, il y a ça. Hein, Elle vient de là. Elle vient de là. Elle vient du blues. Non, mais on verra pour la fin d'émission. On fera un petit live. Un petit live en guitare. Il n'y a pas de souci. Très bien. Bon, donc on se prend rendez-vous pour un petit café. Ouais, on ira faire un petit tour, ouais, à l'occasion. Et ce serait possible aussi d'avoir une petite photo dédicacée de vous? Ouais, bon, ça, on va essayer de faire ça. Bah, déjà, on va prendre des photos à la fin de l'émission. À la limite, on en imprime une et puis on dédicace. Et puis, voilà, avec beaucoup de plaisir. Oui, avec grand plaisir. Surtout que moi, ça doit être la première fois qu'on me demande une photo dédicacée, hein. Donc, Alex, il a l'habitude, mais moi, personnellement, tu sais, j'ai un physique de radio. Hein, c'est pour ça que je suis pas à la télé. Non, je plaisante. Hein. Mais bon, à l'occasion, oui, il y a pas de souci. On va faire ça. On va essayer de faire plusieurs photos. C'est même que je vous demande une photo dédicacée, que vous me donnez un billet de 500 euros. Ouais, un billet dédicacé. Je prépare la photo. D'accord, on va faire la photo alors. Ok, ouais. Bonjour, gentil. Voilà. Donc, là, je crois que notre ami Alex a envie d'interpréter des morceaux en direct live. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner peut-être ça, l'antenne. Tu reconnais, Stéphane. Ouais, quoi? J'ai trop... demandé un Goldman. Ouais, j'ai trop saigné. Ah non, la chanson de Goldman que j'aime bien, moi, c'est une petite part. Ah, très jolie chanson aussi. Ah ouais, mais là il faut des cœurs, il faut... Ouais, c'est pas évident. Je préfère les cœurs. Ah, elle n'est pas évidente à chanter. Donc, et peut-être, voilà, Amandine relève le défi, peut-être une interprétation de Goldman si tu pars avec Amandine et Alex. Ah bah non, et s'il y a un couple, la chanson tout atelier de Goldman, là-bas. Ouais, ça on peut. Là-bas, c'est peut-être mieux là-bas. Là-bas, ouais, là-bas aussi. Plutôt que de la chanter en studio, je propose qu'on la chante là-bas du coup. Ouais, mais après vous la chantez où vous voulez, hein. C'est pas un problème. Merci beaucoup, Steph, en tout cas d'avoir appelé. Avec plaisir, mon Alex. Allez, bien. Merci, bonne soirée et reste bien à l'écoute de l'émission Mavrica. On est ensemble jusqu'à 22h et puis on a encore plein de choses à découvrir. Et je sais qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont intervenir. Il y a aussi des morceaux à écouter en direct live. Il y a aussi pas mal de morceaux à écouter qui ont été enregistrés. Donc on va pas s'ennuyer dans l'émission Mavrica et on va vite arriver à 22h et on va se rendre compte qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire, comme d'habitude. Exactement. Voilà, merci beaucoup, Steph, et puis à une prochaine alors. Bientôt. À très bientôt. Allez. Pour le café, ça marche. Ok, ça marche. Allez, merci. Ciao. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc ça fait plaisir comme ça d'avoir des gens qui interviennent dans l'émission Mavrica. Et ce soir, en tout cas, c'est la première personne qui intervient, mais tu m'as dit qu'il y en aurait d'autres tout au long de la soirée. Oui, bien sûr. Et puis, d'ailleurs, je rebondis sur ça, puisque on lui a pas dit, et puis on a dit qu'on allait parler aussi de la suite. Je remercie Stéphane, puisque c'était le premier à participer pour le projet de mon nouvel album. D'accord. Qui sortira donc l'année prochaine. Et c'est vrai que tu connais pas encore, je crois, l'histoire de ça. Si, moi j'ai vu quelques trucs, j'imagine un petit peu quelque chose passer, mais justement, quand on a programmé cette émission, il y a quelque temps, tu m'avais dit, voilà, je lance quelque chose, j'ai un album à sortir, et je voudrais faire participer, justement, les gens qui me suivent. Voilà, pour quelque chose de complètement inédit. Voilà. quelque chose que j'ai jamais fait en France, ni dans le monde ailleurs. Alors, ça se fait de plus en plus, hein, c'est vrai. Hein. Oui, mais, oui. Mais toi, c'est la première fois que tu le fais, toi. Oui, et puis je fais surtout ça d'une façon différente. Donc oui, il y a un financement participatif, puisque sortir un album, mine de rien, là, il y aura une quinzaine de titres. Eh bien, sans le public, c'est pas évident. Et c'est des sommes qui dépassent un peu tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Ah bah, tu peux faire des choses dans ton petit studio pour pas cher, etc. Mais toi, comme tu vises quand même quelque chose d'excellence, hein, tes albums, il faut qu'ils soient bien enregistrés, il faut qu'ils soient bien masterisés, il faut qu'ils soient bien pressés. Donc forcément, le coût, c'est autre chose. Hein. C'est un petit peu comme si on compare une de chaux avec une Ferrari, quoi. Voilà c'est ça. Ouais. Et du coup, au lieu de faire participer les gens comme ça se fait d'habitude avec une contrepartie de vous avez un CD quand l'album sortira, etc. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire participer mon public et les gens qui me soutiennent et qui me suivent. Donc du coup, les gens peuvent avoir carrément leur nom sur la pochette de l'album. D'accord. Ils vont écrire avec moi un titre. Mais il va falloir que tu fasses un petit bouquin pour mettre dans l'album, pour mettre tous les noms. Oui, mais alors après, donc selon la participation, il y aura mis les remerciements dans le livret de l'album, ouais, ou carrément livret, sur ouais. la pochette de l'album. Okay. Ils vont pouvoir choisir la pochette justement de l'album aussi par rapport à plusieurs choix que je leur proposerai. Ils vont, je serai en live sur les réseaux. Et ah puis, ouais, donc c'est pas seulement participer financièrement, c'est ils participer vont créer carrément. L'album avec moi. D'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est. Par contre, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Je serai en live sur les réseaux et puis on va écrire ensemble. Je donnerai un thème. Je le dévoile pas encore. Et on va écrire exactement deux titres ensemble avec le public. On va composer ensemble et les paroles et la musique sur les lives qui seront sur Facebook, Instagram, TikTok, enfin un petit peu partout, tout ce qui se fait. Et donc ce sera, j'espère, les deux singles phares de cet album-là, puisqu'ils ont été créés avec le public. Mmh. Ils vont aussi, je leur proposerai sur d'autres titres, plusieurs refrains, et puis ils vont choisir le refrain qui leur plaît le mieux, etc. Enfin, non, vraiment un album où... Carrément, ouais, c'est interactif, voilà, carrément. Et qu'on va créer tous ensemble. Et le public et moi, puisque comme je te l'ai dit depuis toujours, c'est le public qui m'a porté depuis le début en fait, hein. Et je trouve que c'était la meilleure façon de les remercier, que de les faire participer à ça et de se dire bah voilà, quand ils écouteront ces chansons là, ils pourront dire bah moi j'ai apporté une petite touche parce que j'ai donné cette phrase là ou mon avis sur ça. C'est l'album d'Alex, mais c'est mais aussi voilà. un petit peu le mien, quoi. Enfin, tout le monde va se reconnaître. Ouais. Tout le monde va se reconnaître finalement, puisque des fois ça pourrait être des paroles, des fois ça pourrait être, je sais pas, au niveau de la musique aussi, ils peuvent proposer quelque chose. Oui, ils pourront choisir plusieurs choses de musique. Où justement, donc en live ça avec va la être guitare, créé et... complètement. On imagine par exemple un morceau, tu arrives avec quelques notes, les gens peuvent te dire tiens l'introduction commence plutôt doucement et puis après tu accélères un peu plus, ou alors l'inverse, voilà, ou ça. Alors fais une petite coupure et après tu repars. Voilà, ils vont carrément construire le morceau. Oui, c'est ça. Ah ouais, là c'est formidable. Ouais, c'est la première fois que j'entends parler d'un projet comme ça. Ouais. Oui, oui, mais c'est un gros projet. Hein, et d'accord. Mais par contre, ça va demander derrière. Beaucoup de travail, ouais. Oui. Parce que derrière, il faut proposer. J'ai d'autres titres qui, eux, sont prêts. Quand je dis prêts, c'est que je les ai déjà travaillés moi de mon côté. Mais oui, il y aura deux ou trois titres qui seront créés uniquement avec le public. D'accord. Voilà, et l'album fera 14-15 chansons à peu près. Ah oui, c'est le vrai album, quoi. Oui, un gros album. Un vrai LP. Mm. Parce que souvent, bon, on dit à LP, c'est à partir de 21 minutes. Donc, des fois, il y a 8 chansons, 10, mais la 15, carrément. Une, oui, mais pas 15. 15 chansons, carrément. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, là, le projet, il va se faire à partir de quand? À partir de maintenant, là, c'est déjà commencé. Oui. Donc, c'est pour ça que Stéphane était d'ailleurs le premier. D'accord. Et je lui redis encore un merci. Pour ça et puis voilà, il est lancé pendant une année à peu près, un an et demi, les gens vont pouvoir me suivre et créer cet album pour qu'il sorte après l'été, dans un an du coup. D'accord. Voilà. Ah ouais, donc septembre 2025 à peu près, et toujours avec la... Alors ça c'est la grande nouvelle, puisque donc j'ai toujours mon réalisateur qui est mon bassiste guitariste en même temps, qui s'appelle Bruno Ramos, que je salue d'ailleurs, et que tu connais aussi, que je connais aussi. Tournée 500 voix pour Queen. Disons que moi je le connais bien parce qu'il est accompagné de grands artistes de la région, hein. C'est quand même un des bassistes les plus connus de la région. Oui voilà. Et puis là actuellement il est sur la tournée de The Voice. Oui, carrément. Oui, c'est un pro de pro, quoi. Voilà, on a notre Dej international qui sera toujours au mixage, mastering, etc. on le change pas. Julien, notre ami Julien Desjardins, voilà, on l'appelle Dej, tout le monde le connaît comme ça. Il n'est pas très bon, mais du coup, il va rigoler parce qu'on est très dans ça, en fait. On aime bien se taquiner. Oh, bah oui, je le connais bien. Ouais. C'est surtout qu'il excelle, il est tellement. À chaque fois, quand je dis son nom, on me dit mais oui, mais je le connais, peu importe où je sois en France, on le connaît. Donc c'est pour ça, quand je dis qu'il n'est pas très bon, c'est que. Et donc, il enregistre, il sonorise aussi de grands artistes. Voilà. Et puis, là, cette semaine, j'ai eu la validation de mon Pierrot, comme je l'appelle, mon frangin, qui me suit depuis maintenant le début, qui est mon batteur, Pierre-Étienne Michelin, qui sort de la tournée Héritage Goldman. Ouais. Mais je te rappelle, il avait fait 5 ans avec Chaim, 5 ans avec Jennifer, 5 ans avec Amel Bent. Il a travaillé pour les plus grands artistes. Et il me fait l'honneur d'être sur ce troisième album qui sortira. Donc voilà, ma force. Voilà, quand on dit que tu peaufines vraiment tes albums, c'est vraiment tu veux sortir un album au top et tu t'entoures de quand même des meilleurs. Hein, il faut quand même le dire. Là, les gens que tu me cites, c'est pas des débutants, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui t'apportent beaucoup. Oui, qui m'apprennent beaucoup. Qui t'apprennent beaucoup. Et on voit d'ailleurs une différence. Je pense que tu l'as remarqué, toi, entre le premier EP qui était sorti. On était quasiment guitare-voix, bon, il y avait la batterie de Pierrot derrière. Et puis le nouvel album, où là, on a pris quand même un cran au-dessus avec toute la réalisation que Bruno a fait, les arrangements, enfin tout ce qui est venu étoffer tout ça, comme la chanson Le Manège. C'est ma préférée. D'accord, j'ai calé un morceau. On ne l'avait pas décidé, on n'a rien dit, hein, mais c'est le morceau qui est calé juste après. Ouais. Voilà. Et ça tombe bien, comme tu avais mis la vie juste avant. Et bien là, avec le manège, on peut vraiment se rendre compte du pas qui a été franchi en fait avec l'album. Et le troisième album sera encore plus abouti, voilà, encore et plus professionnel. Voilà. Encore une marche. C'était le but de progresser. Et puis j'apprends tous les jours. Hein. C'est vrai que sur cet album, quand je me suis retrouvé, c'est pour la petite histoire, hein, mais quand je me suis retrouvé à faire les voix dessus, je me suis rendu compte que j'étais en fait absolument pas prêt. Quoi. Je connaissais toutes mes panneaux. Mais tu dis ça maintenant. Non, mais c'est vrai. Tu dis ça maintenant, mais quand vrai, tu l'as fait avec beaucoup de conviction. Oui, et ça s'est ressenti. Et les gens, ils ont apprécié à cause de ça. Oui, aujourd'hui, oui, tu deviens mais plus Bruno, professionnel. Bruno Audet, j'avais la goutte sur le côté parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas comme. Et oui, avec le recul, il y avait un travail que je ne connaissais pas, moi, en fait, sur ça. Et un énorme travail de préparation avant d'enregistrer. Et moi, je suis arrivé en confiance, en fait, hein, en me disant, c'est mes chansons, je les connais, donc je les chante. Mais en fait, non, pour vraiment préparer un enregistrement studio, y a beaucoup de travail et de petites choses à caler derrière. Donc ça, j'ai pris note. Et sur le prochain, je leur ferai moins de suivi que ce qu'ils ont eu. Et puis ça va progresser là-dessus. Mais il est très bien, hein, y a pas de souci, mais il y a des petits détails qui... Il aurait pu être mieux, et le prochain sera mieux. Et c'est ça, mais c'est tu ça verras que qu'on apprend. Dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas réécouter, tu dis, le deuxième album, ouais, mais le troisième, mais le cinquième, ouais, etc. Mais j'ai progressé à chaque fois. Mais quand je réécoute le quatrième, bon, il était pas encore terrible. J'ai encore mûri derrière. Mais je pense que c'est dans la vie de tout le monde, on apprend. Et puis, il y a des choses qu'on ferait à une certaine époque, qu'on ferait plus à une autre époque. Et puis, il y a des choses aussi, des fois, il y a aussi des artistes qui évoluent, qui vont vers des choses de plus en plus compliquées. Et après, il y a un retour aux sources, ils reviennent un peu au premier album, oui, avec un truc plus clair, plus simple. Parce que des fois, à force d'en rajouter, à force de vouloir toujours peaufiner, les choses les plus simples sont forcément celles qui passent le mieux aussi. Hein. Donc voilà, il y a une évolution. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu vois, je vais reprendre ce que je parlais de The Voice là tout à l'heure. Et en fait, j'ai l'impression de faire une émission comme ça, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire que ces gens-là pendant quelques semaines ou quelques mois, Star Academy, The Voice, enfin, tout ouais, ce qui toi, est là. Ils sont confinés, ils sont confinés, conditionnés dans ces espaces-là, le château de la Star Academy et tout. Et en très peu de temps, ils apprennent et ils ont du coup tous ces cours, toutes ces choses-là pour en faire un produit fini à la fin. Et moi, je pense que ma plus grande force, c'est ça, c'est que j'apprends avec le public. Donc au fur et à mesure des mois, des scènes, des radios, des concerts, des albums, des chansons, des enregistrements, de tout, et ben j'apprends et je grandis avec le public. Donc du coup, mon histoire, on la voit en moins accélérée que la Star Academy, et c'est une histoire qui est vraie, du coup, et on voit cette évolution, parce que je ne me considère pas non plus comme ça, mais cette progression en tout cas, et les petits leviers à tirer dans ce métier. Donc je trouve ça génial en fait de partager ça avec tout le monde et d'avoir une vraie vie par rapport à ce projet-là. Ouais, on n'en a pas parlé, mais toi tu avais fait Star Academy il y a quelques années. Non, j'avais fait la nouvelle star. Excuse-moi. En 2005, il me semble. Parce qu'on a parlé de Voice, Star Academy, c'était la nouvelle star. Oui, ouais. Bah, je vais t'envoyer la photo, tu vas la mettre sur, tu vas la mettre sur les réseaux comme ça, elle sera belle celle-là. Oui. Mais on en fait des choses quand on est jeune. Et puis après, tu vois, j'ai tout arrêté pendant des années, où j'ai quand même continué à jouer, hein, faire des concerts, la fête de la musique, etc., mais vraiment en loisir. Et puis, d'un coup, ce fameux confinement. Première chanson. Là, à chaque fois qu'on fait une émission, on parle un petit peu de l'histoire des artistes ces dernières années. Et là, il y a un trou, il y a un truc qui s'est passé au niveau. Tout a été cassé à un moment. Et c'est le Covid, hein, la période du Covid, les confinements, tous ces trucs-là, qui ont permis aussi aux artistes de penser différemment. Parce que bon, ils pouvaient plus se produire, donc ils se sont plutôt réfugiés dans leur studio, ou alors... Oui, il y a eu beaucoup de créations à cette époque, pas que dans la musique. Hein, ouais. Donc ils ont réécrit de nouvelles chansons, etc., puisqu'ils ne pouvaient pas aller au contact du public. Donc ça leur a permis de travailler différemment. Et aujourd'hui, là, maintenant que c'est passé, je pense que le public a eu un petit peu de mal au départ à aller voir les artistes, mais là je crois que c'est parti. Là. Maintenant, ce que veulent les artistes, c'est aller à la rencontre du public. Et le public, en ce moment, je crois qu'il est demandeur et il a envie de plus en plus d'aller voir les concerts. Il est demandeur, mais... je trouve qu'il y a quand même encore... C'est pas encore revenu comme c'était avant. Ouais, une petite retenue. Et puis j'ai l'impression que... Je sais pas si toi tu as cette impression aussi, mais j'ai l'impression qu'on a vite oublié cette période du Covid, parce qu'on a rebasculé dans des travers qu'on avait. Et je trouve ça malheureux, en fait, de ça. Non, alors je parle surtout dans le comportement, en fait. Dans le côté stressé, les gens s'énervent, se réénervent plus vite... etc. Alors qu'on, de ce confinement, après, quand tout s'est rouvert, on a eu cette espèce de redécouverte du monde où les gens étaient vraiment dans la bienveillance, ils s'accueillaient ici parce qu'ils se retrouvaient. Donc ils n'avaient plus ce côté de vite le travail, le train de vie, le machin, tout ça. Et j'ai l'impression que ça, maintenant, on a reperdu et on est redevenu dans le... On est plus courtois, on est plus... Enfin, tu vois un petit peu cette ambiance. Ouais, j'ai l'impression qu'on repart dans ce chemin-là qui, pourtant, le Covid nous avait ouvert à profiter de la vie parce qu'elle est belle quand même. Il peut se passer des choses tellement vite. Et maintenant, on retourne dans une espèce de négatif un peu bizarre. Donc, je ne sais pas quel est ton ressenti sur ça. Effectivement, je ressens un petit peu ça. Et ce que je peux dire aussi, est-ce que la question que je me suis posée dernièrement, encore, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec d'autres personnes, c'est est-ce que c'est spécifique à tout le monde ou est-ce que c'est spécifique à l'endroit où on est? Parce que moi, j'ai l'impression, comme j'ai l'occasion de faire des voyages de temps en temps, je m'aperçois qu'ailleurs, où que j'aille, j'ai l'impression que les gens, ils sont... Ou alors c'est parce que je les vois différemment de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils sont plus épanouis que qu'ici à Orléans. Est-ce que c'est une impression ou pas? Ça, je sais pas. Donc je pense que c'est une impression. C'est une impression, tu crois? Oui. Après si c'est une impression. Non, parce que moi je vois dans d'autres pays où les gens, par exemple, tu vas à un concert, tu mets la musique, les gens dansent aussitôt. Sur Orléans, on a un petit peu plus de mal, on a ce côté-là un petit peu enfermé. Et puis là, je crois qu'après le Covid, c'est resté un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils ont encore un petit peu mal à bouger. Même s'ils vont au concert, voilà. Moi, je pense qu'on a, on a beaucoup de choses et on fait partie des pays où on a accès à tellement de choses qu'on se rend plus compte de la vraie vie et de ce qu'il y a autour. C'est tellement simple d'un clic, hop, paiement par carte, j'ai payé un film en stream sur telle plateforme. Et on a accès à tellement de choses qu'on se rend compte que derrière, il y a quand même de l'humain, il y a des belles choses et tout. Donc voilà, c'est un peu étrange quand même. Hein. Très bien. Donc on va écouter le titre Le Manège et pendant ce temps-là, on va répondre aussi au téléphone. C'est peut-être encore une personne qui veut intervenir dans l'émission Mavrika. Sur ce trottoir, l'amour a fait le reste. Il n'était pas trop tard. Donc c'était le titre Le Manège de notre invité de ce soir de cette émission numéro 592. C'est notre ami Alex Lebaye qui est présent et il est accompagné d'Amandine pour cette émission. Et on va retrouver aussi une personne qui est au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, voilà, encore un deuxième bonsoir, intervenant. Alex. Bonsoir. J'ai reconnu la voix. Bon. Qui résonne de loin, parce que j'ai l'impression que le téléphone a sonné à l'autre bout de la France. Alors, à l'autre bout, mais plutôt à l'est, à l'ouest, au nord de la France. t'es parti au nord, là? De la France. Non, je suis bien chez moi à Nice. Ah, à Nice, dans le sud. Ah ouais, carrément. À la ville de Nice, pour être précis. Mmh. Donc c'est Franck, mon infirmier niçois, qui me suit, mais qui va pouvoir raconter un petit peu l'histoire, comment on s'est rencontrés, et qui, pareil, m'envoie toujours plein de bonnes ondes et parle de moi dans différentes radios, dans son entourage, un petit peu partout. Enfin voilà, je lui laisse expliquer, je te laisse parler, Franck. Allez, bah donc alors on se dit tout. Donc moi, je connais Alex depuis la fin du premier confinement, donc ça va déjà faire bientôt 4 ans, où en fait, lui et moi, enfin surtout lui, il est passé une radio, la radio qui est rouge et bleue, qui se prénomme RTL. D'accord. Et le truc tout dingue, c'est qu'un matin, je mettais RTL en me réveillant, donc je sais plus, qu'il devait être au moins 5h30, quelque chose comme ça, quand ta chanson et quand tu es passé à l'antenne de RTL. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai adoré la chanson qui était à l'époque et qui a fait le succès de son premier album. Alors, je suis nul en anglais, mais Alex, tu diras mieux que moi. I feel the song, c'est ça? I find the song. Qui, je ne sais pas si tu sais, mais c'est une chanson qui est issue d'un de mes tatouages que j'ai sur le bras, où il est écrit « I can't explain, but I will find a song that can ». Je ne peux pas l'expliquer, mais je vais trouver une chanson pour le faire. Et voilà, c'est ma philosophie et ma timidité, entre guillemets, quelque part, puisque à travers mes musiques, c'est là où j'envoie en fait mes émotions que je ne dis pas que je garde pour moi d'habitude. Il a bien résumé, parce que moi, quand il a expliqué la chanson et les différents titres du premier album, puisqu'il y en a 6 au total... Moi, j'avoue que cette chanson et les autres chansons m'ont parlé. Il y a un truc qui s'est passé, c'est un truc de dingue. On est dans sa salle de bain, on se brosse les dents, il y a le café qui coule. Et puis on me dit, mais cette chanson, le mec qui dit, ça me parle. La chanson me parle, la musique me parle. Mais il faut que je creuse et il faut que j'apprenne à découvrir ce jeune artiste qui s'appelle Alex Le Bail. Et puis depuis, j'avoue que je le suis sur les réseaux sociaux. Et j'attends un futur concert, j'espère bientôt à Nice. Pour que je puisse aller le voir en spectacle. Mais oui, avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Très bien. Donc, grâce à une radio très connue, une des plus grandes radios de France, Alex, justement, a été découvert par beaucoup de personnes, et ce, à tous les quatre coins de France, quoi. Exactement. Et donc, voilà. À ceux qui nous écoutent ce soir... Allez écouter le premier et le deuxième album. Le troisième arrive bientôt. J'espère qu'il est déjà presque terminé. J'espère, Alex. Est-ce que tu as déjà donné des infos ou pas? Parce que moi, j'arrive, parce que je rentre du boulot. Donc, je n'ai pas suivi le début de l'émission. Donc, si la chanson a fait le son, elle n'est pas passée, moi, j'aimerais bien qu'on la passe. Très bien, après, on va la caler, Pourquoi pas la caler? Mais sinon, alors, t'en es où dans ton troisième album, Alex? C'est bien que t'en parles un petit peu. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, où j'ai expliqué que, du coup, c'était un album qui allait être construit avec le public. Donc à chaque fois, je mets un petit peu tous les liens et tout ça. Je donnerai à Albino le lien, et puis il mettra tout ça sur la page de l'émission qui s'appelle Mavrika, où on pourra retrouver toutes les infos là-dessus. Et puis, comme je lui ai expliqué tout à l'heure, il y aura 2 voire 3 titres peut-être qui vont être construits de A à Z avec mon public, donc avec toi, j'imagine, et je le souhaite fortement, où en fait on se retrouvera ensemble en live sur les réseaux, et puis vous allez pouvoir, avec un thème que je vous donnerai, m'aider à trouver les paroles, et puis aussi la musique qu'on fera ensemble. Donc voilà, un beau projet. Et puis j'ai annoncé aussi que l'album sortirait normalement septembre 2025. Formidable. Alors moi, je veux bien aider, mais je ne fais pas les chœurs, je ne chante pas, parce que ma voix de baryton, je ne sais pas si elle va pouvoir passer. Elle sera peut-être pas top. Le chœur est toujours juste. Avec grand plaisir. Mais tu sais, Albino, que Franck est une image emblématique de France, parce qu'il passe dans toutes les émissions et dans tous les plateaux de télé, là, il n'y a pas très longtemps. Même dans Mavrica, la preuve. Hein. Il était sur, c'était TF1 ou France 2, là, il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Non, j'étais sur France 2. Ouais. Alors, comme on se dit tout, vous pouvez aller sur France TV en replay. Et si vous regardez l'émission qui s'appelle « Tout le monde veut prendre sa place », présentée par Jarry le midi sur France 2, et que si vous allez chercher l'émission qui a été diffusée le jeudi 18 avril, vous verrez mon visage. Là, vous entendez ma voix, les auditeurs entendent ma voix, mais vous verrez mon visage. D'accord. Ok. Il y a du suspense, voilà. D'accord. Donc toi, tu aimes bien passer dans les émissions comme ça. Comment ça se passe pour passer dans les émissions de télévision? En fait, tout simplement, les on va dire les grandes radios, et peut-être que ta radio, elle pourrait mettre ça en place. En fait, comme ils ont un profil Facebook, ils lancent des sujets d'actualité ou autre, et en fait, tu fais un commentaire sur le sujet. Allez, on va prendre un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'actualité? Ou hier, par exemple, il y a eu 2 milliards d'euros de bénéfices grâce au radar en France. Mmh. Ça a permis à l'État de renflouer les caisses, parce que ça a fait rentrer 2 milliards d'euros. Donc, il lance un débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre les radars mobiles et fixes? D'accord. Des choses comme ça. Après, il y a les élections européennes qui arrivent. Donc, de temps en temps, ils invitent des têtes de liste des différents partis politiques. Et tu peux poser une question, et si la question elle plaît à l'équipe de production et aux journalistes, éventuellement ils posent ta question à ta place, ou alors tu peux toi la poser en direct. Et ce qui m'est arrivé quelquefois, j'ai discuté avec Jean Lassalle par exemple une fois derrière moi à l'antenne de cette station RTL, ou alors après je suis passé pour d'autres sujets. Après, moi je suis infirmier. Donc pendant la pandémie, j'ai fortement été sollicité, puisque on me demandait des avis, des conseils. Mais en fait, voilà, moi j'aime bien le débat, j'aime bien les échanges comme on fait ce soir. Et puis c'est comme ça qu'on apprend sur les uns, sur les autres, et qu'on apprend. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai que c'est dans la communication qu'on apprend à se connaître les uns les autres, et donc il faut pas hésiter à partager ses idées. Et quand on a une opinion, c'est pas la peine de se fâcher en disant non, moi je suis pour ça, moi je suis pour ça. Voilà, on en discute, et puis c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Donc je pense que dans l'émission Mavrica, on aime bien aussi l'échange, et l'important, c'est justement de partager ses idées et de pouvoir les affirmer, quoi. Ben voilà, peu importe sa sexualité, sa religion, son parti politique, le débat, il faut qu'il soit productif, quoi. Oui, tout à fait, voilà. Ouais, super. Hein. Très bien, en tout cas, merci d'avoir appelé, ça fait plaisir. Et merci, bonne fin d'émission à vous, et donc j'attends d'écouter ma chanson préférée d'Alex Bye. Ouais, on va la caler. Moi, j'ai juste une dernière petite requête à Franck. Si jamais c'est possible, hein, parce que je sais que vous êtes un peu chauvin par là-bas, mais bon, si c'est possible de nous rapporter un petit peu de soleil, parce qu'on a un temps qui est vraiment désagréable depuis plusieurs jours. Alors, mon cher Alex, c'était un temps pourri ici à Nice. Aussi. Mon premier, je l'ai passé sous la pluie. Donc, du coup, on n'est plus jaloux, alors ça va. Alors, je vais vous donner une info, un scoop, entre guillemets. Il ne faut jamais venir sur la Côte d'Azur en avril, en général. Et il faut simplement attendre que le festival de Cannes soit passé. D'accord. Vous regardez tous les ans, parce que c'est à peu près toujours à la même période, deuxième semaine, troisième semaine de mai. Et une fois que les stars sont partis, ont quitté le festival de Cannes, vous êtes sûr que là, la météo va arriver à Nice, il va y avoir les canicules. Parce que si vous regardez les images à la télé, lorsqu'on nous retransmet la montée des marches, vous avez nos pauvres stars de cinéma au féminin qui ont 3 bouts de tissu sur le corps et qui grelottent. Il ne fait jamais beau pendant le festival de Cannes, où il y a une journée où il y a éventuellement une éclaircie. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez des émissions où il y avait Nulle part ailleurs sur Canal+, où ils retransmettaient tous les jours la montée des marches. Il faisait plutôt ciel gris que ciel bleu et soleil et 30 degrés. Donc, Alex, tu viens à partir du 20 mai sur la Côte d'Azur, il n'y a pas de problème. Pour mon anniversaire, alors. Eh bien, exact, pas mal, comme ça, tu auras beau temps. Tu viens avec ton épouse, les enfants, le chien, la bonne et moi, comme on dit. Eh bien, voilà, c'est noté. Avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup en et tout cas. Je vous embrasse tout le monde. Bonne fin d'émission. Bah, merci beaucoup et merci de nous avoir parlé du sud de la France. Ça nous fait rêver quelque part parce que nous, ici, on est une radio locale et la plupart des gens qui nous appellent sont dans leur région au centre. Et d'avoir un petit contact de personnes qui peuvent nous écouter à l'autre bout de la France, ça nous fait plaisir. Sachant qu'aujourd'hui, on peut nous écouter dans le monde entier grâce à Internet sur le radio-arc-en-ciel.fr. Donc, vous connectez et puis vous pouvez nous écouter quel que soit l'endroit où vous êtes. En tout cas, merci beaucoup, Franck. Merci à vous. De ton intervention et puis peut-être à une prochaine. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà. Moi, de toute façon, partout où Alex passe, moi, je le suis. D'accord. Donc, je le suis à la trace, comme on dit. Et si tu viens un jour sur Orléans, peut-être venir à la radio aussi. Ben, avec grand parce plaisir. Parce que tu es un habitué des plateaux. Ben, avec grand plaisir. Ça me très fera bien. Plaisir, ouais. Voilà, merci beaucoup. Allez, à bonne bientôt. Soirée et puis bonne écoute. Au revoir. À très bientôt, merci. Voilà. Bientôt, à bientôt. Voilà, ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui interviennent. En plus, de Nice, donc on n'a pas tellement l'habitude dans l'émission Mavrica. Mais enfin, voilà, il faut savoir que Alex Debaille est une star nationale et bientôt internationale. Oui, donc voilà, forcément, il est suivi de gens d'un peu partout. Mais tu vois, en fait, en parlant de star. Parce qu'après, donc là, j'imagine que tu vas nous mettre I Find a Song et puis un autre titre. Ouais, ça va nous laisser. J'en avais calé un autre entre temps. Et puis un autre entre temps. Donc ça va nous laisser une dizaine de minutes. J'invite les auditeurs à rester parce qu'on va avoir une très très belle star qui va nous téléphoner là dans d'ici 10-15 minutes. Quelqu'un d'accord. que je porte dans mon cœur et qui a été une des plus belles rencontres humaines et artistiques de ma vie, donc j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais vous l'avez vu partout, sur tous les zéniths et les plateaux télé, etc. Donc d'ici 10-15 minutes, il appellera et il nous parlera un petit peu de son actualité, des projets à venir et tout ça. D'accord, très bien, on est impatients de... Voilà, on arrive bientôt à la dernière heure, tu te rends compte, ça passe à une vitesse pas possible. Mais oui, c'est ça. Accélérons le temps. Ce que je voulais aussi dire, c'est que justement, sur le Facebook de l'émission Mavrica, on a partagé quelques petits documents, donc voilà. Une photo de toi à l'époque où tu faisais la recherche de la nouvelle star. Donc voilà, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Oui, c'est ça. Et puis on a aussi partagé un lien pour un événement et justement c'est là-dessus qu'on va parler dans les prochaines minutes. Oui, d'ici une petite trentaine de minutes, on parlera du festival Va-t'en, le retour du son, mais je pense que ce sera plus simple d'en parler avec une des organisatrices du festival qui va pouvoir mieux nous expliquer. Et puis un petit peu comment ça se déroule, où trouver des places, à quelle date le 29 juin, mais j'ai rien dit, elle nous le dira tout à l'heure. Donc voilà, ça va être un beau moment aussi, parce qu'elle a vu pas mal d'artistes, dont la Jarry, passer à ce festival. Donc, très bien. Donc quelque chose de sympa. Très bien. Là, pour l'instant, on va diffuser une chanson. C'est moi qui l'ai choisie tout à l'heure. Et après, on écoutera donc. On va en caler plusieurs à la suite. Et la chanson qu'on va écouter maintenant, c'est Je veux être libre. Oui. Donc, tu veux nous en parler un petit peu de cette chanson-là ? Oui, c'est une chanson qui est. Tu sais, j'ai un gros vécu, j'ai un lourd vécu. Mais j'en parle pas spécialement. Je le garde pour moi. Mais voilà, moi, il y a une chose qui était vraiment dure Il y a plusieurs choses dans ma vie qui ont été vraiment dures. Il y a une chose qui était vraiment dure. À mon lycée à Orléans, je ne dirais pas lequel, mais c'était dans les journaux et un petit peu partout à l'époque. Et j'ai vécu une année de raquette où ça a été jusqu'au pistolet, couteau, etc. Ah ouais, carrément. Et, ça craint quand même sur Orléans. Alors. escorté par la police le matin et le soir pour rentrer aussi, tribunal, etc. Enfin, des choses incroyables, quoi. Et donc, cette chanson, Je veux être libre, parle de harcèlement. Et voilà, et j'ai voulu généraliser entre guillemets ce harcèlement. Donc je parle de harcèlement scolaire, harcèlement au travail, parce que j'ai eu des soucis un petit peu par rapport à ça aussi. Et puis par rapport à des amis qui sont homosexuels ou lesbiennes sur des copines, hein, intégrer justement le côté harcèlement LGBT et puis dire à tout le monde, je veux être libre, qu'on me laisse juste tranquille en fait. Voilà, il y a des gens qui veulent simplement vivre et leur voilà, vie. Voilà, qu'on marche dans la rue et qu'on arrête de nous embêter, balayer devant chez vous, regarder devant chez vous les belles choses autour de vous, mais arrêtez de prendre du temps à critiquer ce que vous n'aimez pas, parce que vous perdez du temps à dire à ceux que vous aimez que vous les aimer. Et cette chanson est par rapport à ça. Très bien, on écoute tout de suite. Donc, je veux être libre. Je prends le bus, pousse le portail. Prends une chaise, commence le travail. Tu me bouscules sans raison. Que t'ai-je fait pour une telle friction? Je veux être moi, juste moi, avec mes différences que toi. Je veux être libre, juste libre, écrire sans bruit l'histoire de mon livre. Je prends ma voiture, ouvre mon bureau, regarde mes mails, les dossiers sont chauds. Tu me pointes du doigt, te moques de moi. Car assis là, je ne suis pas comme toi. Je veux être moi, juste moi, avec mes différences que toi tu n'es pas. Je veux être libre, juste libre, écrire sans bruit l'histoire. Come. Come from outside. How much longer? falling down my window. Store is closed, and this will take a while. Every day. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après une petite série musicale. On a écouté Alex Lebay avec I'll Find a Song. On a écouté aussi Freddie Miller qui était venu il y a quelques années dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un des plus grands bluesman français, avec un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Drummer Woman. Et à l'instant, c'était les Twister Covers avec Falling Rain. On revient avec nos invités. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 592 et elle est consacrée à notre ami Alex Lebay. Et il est venu ce soir accompagné d'Amandine. Et tu veux nous dire quelque chose à propos du morceau qu'on a écouté tout à l'heure? Non, pas du tout. J'ai reçu une question de Stéphane qui nous a appelé tout à l'heure. D'accord. Et qui me disait, oui, donc j'ai vu la casquette, les t-shirts, etc. Mmh. Il me dit, j'aimerais un sweat. Mais c'est véridique, hein, il m'écrit ça comme question, alors que j'allais en parler plus tard. Donc je reprends mon batteur, Pierre-Étienne Michelin, le fameux Pierre-Étienne Michelin. Il a créé sa marque de vêtements qui s'appelle Pierre-Étienne. D'accord. Et on a justement confectionné un sweat Alex Lebay qui va être très bientôt disponible en vente pour tout le monde. Donc voilà, à ce moment-là, il pourra se le procurer. Très bien. Je crois qu'on a notre invité. On a notre invité. Bah, ce qu'on va faire, je ne sais pas si on peut le faire comme ça. Non, bah, écoute, on va envoyer un morceau et puis on se retrouve juste après à l'antenne. Je vais le bilan d'une journée Voilà, c'était Alex Lebail avec Heure après Heure. Et Dieu que le temps passe vite dans l'émission Mavrika. On arrive déjà, on a déjà bien entamé la dernière heure de cette émission. Et on n'a pas vu le temps passer. Et donc nous avons Alex qui est notre invité dans cette émission. Et nous avons aussi une personne qui est au téléphone. On va essayer de la retrouver en direct live. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, tout ça fonctionne très bien. Ben, on est à l'antenne, donc très bien. Très bien. Donc tu nous appelles, tu interviens dans cette émission. Alors on a eu plusieurs personnes qui sont intervenues tout au long de cette émission, des gens qui comptent pour notre ami Alex Lebail. Et toi, tu es Cyprien. Oui, exact. Voilà. Et tu interviens. Tu veux dire quelque chose à notre ami Alex? Parce que je sais que tu as plein de choses à raconter, en fait, mais. Si tu veux, Albino. Bah, écoutez, déjà, Alex, on s'est rencontrés à un concert, à un événement, et auquel il était invité. Et puis on a échangé sur des choses qui étaient vachement positives, et ça, c'est cool. C'est super quand une relation commence comme celle-là. Et depuis, en fait, on s'est revu sous forme de messages et tout ça. On a discuté pas mal et c'est super quoi. Franchement, c'est super cool de rencontrer des gens où la communication passe tellement sainement et avec des bonnes vibrations. Et ça, c'est super, c'est vraiment super. Donc, en espérant, bien sûr, te recroiser musicalement, ce serait pas mal. Oui, Là, on s'est parlé, et que musicalement, qu'on puisse aussi se connecter, ce serait super. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est vrai que tu n'en as pas trop parlé encore, mais c'est donc Cyprien Zeni qui est avec nous ce soir. Oui, on s'est rencontrés à un concert parce qu'on a un dénominateur commun qui est Pierre-Étienne Michelin, qui est mon batteur aussi, qui est sur mes albums depuis le début. Yes. Donc tu jouais avec lui, enfin tu chantais divinement bien d'ailleurs, parce que Cyprien, il a une voix qui est vraiment incroyable et qui perce au-delà de la voix, qui perce l'âme et c'est vraiment ça moi que j'ai apprécié et que j'aime. Et c'est vrai quand on s'est rencontrés, il y a quelque chose qui passe dans la façon de parler, et cette espèce de gentillesse sans rien demander en échange, sans rien vouloir. Donc c'est un petit peu le film moteur qu'on parlait, Albino, depuis tout à l'heure sur l'émission, ce côté très très humain et de voir le positif autour de soi. Et Cyprien, c'est un rayon de soleil sur ça. Il envoie du positif et tout est dans la bienveillance et sans contrepartie derrière, sans chercher quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'avoue, c'est une vraie belle relation qui a démarré sainement, en fait, sans chercher quoi que ce soit. Donc voilà, Cyprien qui est vraiment dans mon cœur et qui est une très belle personne et qui m'a conseillé sur pas mal de choses aussi quand il y avait eu nos trois petits soucis. Donc voilà, toujours là, à l'écoute. Et je le redis, une voix incroyable. Donc pour ceux qui connaissent pas, mais je suis sûr que tout le monde connaît Cyprien. Et bien, il m'a fallu l'écouter un petit peu partout. Et puis t'as fini la tournée et puis t'as d'autres actus, je crois, aussi en même temps. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Yes, bah écoute, j'ai pas mal. Alors bon, la tournée, elle est un petit peu en stand-by, mais on est toujours un peu actif. On va faire des promos avec des radios, des concerts un peu dans des festivals, des foires, et pour ensuite reprendre plus activement, plus intensément la tournée de l'Héritage Goldman. En septembre-octobre et entre temps du coup je suis pas mal actif avec ma chorale de gospel, mes ateliers de chant autour du gospel que j'anime, que je dirige sur Toulouse et puis ma chorale avec qui je fais j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de projets, notamment là la sortie d'un single. D'un morceau qui s'intitule In the Sanctuary, qui est gospel en fait, dans l'univers du gospel, Et j'ai hâte parce que c'est la première fois que j'écris et que je compose une chanson pour une chanson gospel pour une chorale. Et donc j'en suis vraiment vraiment content et j'ai hâte de pouvoir diffuser un peu ces beaux messages. Voilà. Moi, alors, bientôt la sortie. Mais voilà. Moi, ça me rappelle quelques souvenirs parce qu'il y a quelques années ici dans l'émission Mavrika, c'est une émission qui dans laquelle on reçoit des artistes tous les vendredis des artistes, ceux qui veulent venir ici partager leur travail et nous présenter leur univers, ils sont les bienvenus. Et il y a quelques années, on avait eu ici deux chorales. Dans l'émission Mavrika, deux chorales de gospel. Et je me souviens, c'est la fois où il y a eu le plus de monde. Il y avait 20 personnes dans le studio là. Mm-hmm. Il y avait deux chorales d'à peu près 10 personnes. Il y avait une vingtaine de personnes qui chantaient tous en même temps. Et je peux te dire qu'il y avait quelque chose. Oh là là, le truc. Alors, il y avait quelques micros et il y avait tout le monde qui était autour des micros. Et je me souviens de ce grand moment d'émotion. Et il y avait tellement de monde dans les studios. Et par contre, rien ne bougeait. Tout le monde les écoutait. On était vraiment absorbés par ce moment-là. Quoi. C'est un moment unique, des moments qu'on a vécu ici dans l'émission Mavrika. Et donc, j'imagine beaucoup l'ambiance qu'il peut y avoir justement avec une chorale de gospel. Et puis avec les voix magnifiques parce que, voilà, à chaque fois, il y a toujours des gens qui font les chœurs et il y a toujours des leaders qui ont des voix. Voilà, c'est une dimension au-dessus encore là. Donc voilà, c'est moi, voilà les images qui me reviennent et donc en tout cas, je te félicite pour ce que tu fais et puis je t'encourage à continuer à faire vivre la musique, ça c'est le plus important. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, je souhaite aussi. Le meilleur à ce cher Alex. C'est gentil. Et toute la belle musique qu'il a faite depuis ces quelques années et qu'il va continuer à faire encore pour longtemps. Voilà. Mais oui, il faut véhiculer des messages et puis aider ceux qui ne disent pas forcément mais qui ont des moments pas très très beaux et qui se retranche un petit peu sur la musique et sur ou les paroles ou l'émotion qu'on peut essayer de leur apporter. Donc on est un petit peu soignant entre guillemets à notre niveau et quand on a des retours sur ça de personnes qui nous disent on s'est reconnu sur ça ou sur des paroles ou sur une émotion et ça m'a aidé à traverser telle ou telle épreuve, et c'est une force et une victoire qu'on peut pas expliquer tout simplement. Je pense qu'on est tous d'accord. De toute façon, on ne peut pas vivre sans musique. C'est quelque chose d'inconcevable. Rassurez-moi. Je suis pas le seul. Il y en a qui l'expérimentent, mais moi qui suis né, qui ai grandi dans la musique, moi je peux pas m'en passer. Je peux pas m'en passer. Et elle a je vois tellement autour de moi qu'elle a des vertus thérapeutiques. De vertu de bien-être, de dépassement de soi, enfin ça fait tellement du bien de lâcher prise et l'art permet ça, la musique permet ça et c'est essentiel à notre vie, toute l'humanité en fait, c'est un cadeau qu'on nous a donné et il faut qu'on le cultive à fond et justement qu'on en voit les bienfaits. Et qu'on en cultive quoi, vraiment, qu'on le partage, qu'on partage à fond les bienfaits de la musique. Très bien. Donc, en tout cas, tu l'exprimes très bien. Et tout à l'heure, vous parliez. Moi, il y a des choses comme ça qui m'épatent, c'est que vous parliez de votre rencontre avec Alex et. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont venues dans les studios. Je rencontre beaucoup de personnes tout au long des années de radio. Et il y a des personnes, où on discute, on fait une émission, et puis voilà. Et puis d'autres, on a l'impression qu'au bout de 10 minutes, qu'on les a toujours connus et que ça passe tellement bien qu'on se dit. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé entre vous, quoi. Bah, en fait, c'est alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en pleine tournée comme ça. On est souvent exténué, fatigué de la prestation, de la performance, etc. Et en fait, ce soir-là, j'avais pas forcément la force d'aller discuter avec les gens parce que j'étais très fatigué. Et puis, finalement, en ayant croisé Alex, bah, ça m'a donné de l'énergie, en fait. Je crois que tu m'en as donné ce soir-là. C'est gentil. De l'énergie, et puis on a en ayant échangé, en ayant discuté, tout ça, bah, c'est pareil, quoi, ça m'a donné de l'énergie, de la force. Ce genre de rencontre est vachement boostante. Bah oui. Vachement motivante. Ça, c'est le ça nous rappelle un peu dans tout ce rush, dans tout ce train-train de la tournée, de choses où on fait 20 fois, 30 fois, 50 fois, 70 fois les mêmes chansons. C'est ce qui nous booste, en fait. C'est des rencontres qui nous permettent de prendre conscience que ben, chaque concert n'est vraiment pas le même, qu'il y a toujours du renouveau, qu'il y a des nouvelles personnes, qu'il y a des personnes différentes, qu'il faut arriver à toucher, à chaque fois que c'est un défi. C'est toujours un nouveau défi de date en date, de concert en concert, et ça, c'est hyper important. Et cette rencontre-là, ce soir-là, avec Alex, bah, c'était pour moi, ça m'a énormément motivé, quoi. Carrément. Très bien. Ça m'a remis un peu dans le. Ça remet un peu en ordre, un peu. Les idées en place. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça qui est bien. C'est cool. C'est cool. Voilà, tu as autre chose à rajouter là ? Tu veux nous parler peut-être un petit peu de ton travail, ce qui est en cours, tes projets, peut-être dans les quelques jours, dans les quelques semaines qui arrivent ? Bah, pour l'instant, alors avec l'Héritage Goldman, on est à Bergerac demain, à la D'accord. fois à Bergerac. Mmh. Et puis un peu partout en France cet été. Vous pouvez suivre nos dates, nos concerts. Sur nos réseaux Facebook. Et puis quoi d'autre, bah, là avec ma chorale, le single qui va sortir bientôt en septembre, avec le clip qu'on a travaillé, qu'on a bien bossé, c'est un cœur amateur. Alors du coup, ça a été un défi et ils ont relevé le défi. Alors je suis vachement fier d'eux, de tous. Et du coup, voilà, à fond dans le gospel, et puis dans mes projets, au fur et à mesure, voilà, j'essaie d'écrire et composer un peu au fur et à mesure, et pourquoi pas, bon, l'année prochaine, sortir quelques projets perso. Voilà. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne info, ça. Yes. yes. Ok, autre chose à rajouter, Alex ? Bah non, je pense non. que c'est voilà. vraiment. En tout cas, on est ravis que tu sois intervenu dans l'émission Mavrica. Si un jour tu passes dans la région orléanaise, n'hésite pas à nous contacter. Et puis, pourquoi pas faire un petit tour un vendredi soir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour parler avec nous. Parce que finalement, on a plein de choses à dire, on a plein de choses à discuter. Et puis, on a ce mm-hmm. côté humain qu'on aime bien mettre en valeur. Et on a échangé quelques mots là qui nous ont donné envie de mieux te connaître. Moi, je te connais un petit peu. Là, je vais m'intéresser un peu plus. Justement à ton travail parce que c'est bien intérêt grave. De passer le single qui sort en mois de septembre voilà moi c'est ce que j'aime aussi dans l'émission Mavrica, c'est que je reçois des artistes que je ne connaissais pas avant l'émission et je découvre des choses, j'apprends des choses comme je le dis moi comme j'ai envie de m'intéresser aux gens que tu me présentes, et ben j'espère que les auditeurs eux aussi iront fouiller un petit peu et puis ils auront cherché l'actualité et puis à suivre les artistes qu'on découvre dans l'émission Mavrica. Donc ce soir c'est Cyprien et puis en tout cas une bonne rencontre et puis peut-être un de ces jours. Bah, carrément, avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation, merci Alex. Mmh. Et bonne suite d'émission. Je crois qu'il reste encore une demi-heure là. C'est ouais, ça. Ouais. On a encore plein de choses à faire dans la dernière demi-heure. Ah, mais... il y a encore plein de choses à faire. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir au téléphone comme ça. Et puis voilà, j'aime bien quand les gens interviennent. Et donc, ça nous fait connaître de plus en plus de monde autour de cette émission. Et puis le but de l'émission, c'est de faire connaître justement tous les meilleurs artistes qu'on peut avoir en France. Parce qu'en France, on a quand même la chance d'avoir de très bons artistes et justement les mettre en lumière. dire, bah, c'est le plus important. Et il y en a pléthore. Ah oui, et j'ai pas fini d'en recevoir et d'en découvrir, parce que ça fait 14 ans que je fais cette émission-là. 592e émission, émission. Et à chaque fois, c'est toujours le même plaisir. Alors, des fois, des ambiances différentes, avec des styles différents, hein, mais toujours le bonheur. Je vais te dire, sur presque 600 émissions, on est presque à 600 émissions, il y en a peut-être une ou deux qui ont foiré, qui étaient pas, qui m'ont pas plu, mais sinon tout le reste c'était que du bonheur. Voilà. On est comme ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu. Et puis, de toute façon, on peut garder le contact. Et puis, si un jour, effectivement, tu passes dans la région orléanaise, contactez peut-être avec Alex et puis venir faire un petit tour au studio. Voilà. L'invitation est lancée. Carrément. Ça marche. Très bien. Donc, bonne soirée. Ouais, bonne continuation à toi. Et puis, la musique, voilà, c'est notre moteur. Et on a tous besoin de musique. Et donc, on a besoin de personnes comme toi pour nous faire vibrer avec notre passion, quoi. Merci beaucoup. Yes. Merci à vous. À tout bientôt. Allez, au revoir. Bonne soirée. À très bientôt. Ciao. Merci, à tout bientôt. Au revoir. Voilà, donc encore une belle personne dans l'émission Mavrica. Donc tu nous as fait découvrir Cyprien. Effectivement, tu m'en avais parlé un petit peu. Effectivement, tout le monde ne suit pas toutes les émissions dans lesquelles les artistes passent. Mais quand tu m'as montré les photos, tout ça, je me dis effectivement, j'ai déjà vu ce monsieur. Et c'est vrai qu'il a une voix magnifique. Oui. Et maintenant que je l'ai eu au téléphone, bah, je vais m'y intéresser un peu plus. Et puis je diffuserai prochainement les morceaux qui il va bientôt sortir, quoi. Oui, il en a même déjà de sortie qu'on pourra, que je te montrerai, je te ferai écouter. Très bien, ben voilà. Merci en tout cas pour m'avoir fait découvrir encore un artiste. Alors, il y a plein de choses dans l'émission Mavrica ce soir. Hein, donc, oui, moi je propose qu'on remette un titre et puis après on parlera, parce que ça passait trop vite, hein. Après on parlera un petit peu des concerts que j'ai et dans le coin et en dehors du coin. Dont ce fameux festival en tête d'affiche avec un gros groupe qui s'appelle Archimède, que tu connais. Oui. Et dont l'organisatrice va pouvoir nous appeler après pour nous expliquer tout ça et nous parler de ça. Donc voilà, on peut faire un petit point concert après le titre de ton choix, mon cher Albino. Le titre que j'ai choisi, c'est un titre de monsieur Alex Lebaille. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un grand artiste. Un nouveau voilà. Titre, alors. Non, ça s'appelle Mater. Donc, voilà, parce que... Tu veux nous en parler un petit peu du titre du fait. Oui, bon, après, Mater, pourquoi il parle en lui-même. Hein, ça nous touche à tous. C'est par rapport au réchauffement climatique. Hein, donc, je l'ai fait un peu... poétiquement ce titre où je me balade à travers les animaux parce que je suis beaucoup touché par la cause animale, hein. T'as dû le voir sur mes précédentes choses où j'œuvre pas mal sur ces associations là et donc du coup voilà, je suis à un coup un oiseau dans les airs avec cette pollution et tout ça, après un serpent dans le désert qui grandit et qui fait fondre les glaciers de la banquise, enfin voilà, par rapport à tout ça, tout le réchauffement et tout ce qu'on fait en fait à cette terre là. On écoute tout de suite Ma Terre. Filante de mille voiles, un ange idéal, esquisse du Mistral. Plus aucun esprit. trace. Mon univers s'efface. Je n'y ai plus de place. Voilà, c'était Alex Le Bail avec Mater, et Alex Le Bail est notre invité ce soir. Et justement, il y a eu beaucoup d'intervenants dans cette émission. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On arrive bientôt. On est déjà dans la dernière demi-heure, et on a encore des personnes à faire intervenir à l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Oui. Donc, on va essayer de voir si on retrouve la personne qu'on avait au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc du coup, parce que je te parlais que j'avais pas mal de dates, donc là au mois de mai, je rappelle pour ceux qui écoutaient, qui n'ont pas entendu tout à l'heure, le 11 mai je serai dans le 41 à l'Estiou, fin mai je serai du côté de d'Evreux, à Passy-sur-Eure exactement. Et puis il y a une très très belle date qui arrive, et qui est le festival Le Retour du Son, qui se passe à Vatan. Et du coup, je pense que le mieux, c'est que l'organisatrice du festival, qui est Cyrielle, nous en parle et nous dise depuis combien de temps le festival existe. Et puis, je te lâche ça comme info, Albino, mais il me semble que la Jarry que tu as déjà reçue dans les studios en fait partie de ce festival aussi. Très il y a bien. Quelques temps. Donc voilà, Cyrielle peut peut-être nous en dire un petit peu plus sur le depuis combien de temps ça existe, qui alors, on va retrouver cette année. Et puis, voilà. Moi, c'est Cyrielle, donc je suis co-organisatrice puisque je ne suis pas toute seule sur le projet. J'ai fait ce festival avec mon papa, donc ça fait 5 ans qu'on a créé ce festival. Mmh. Et effectivement, la Jarry est déjà venue chez nous. Donc voilà, là cette année, ce sera le 29 juin à partir de 18h, à Vatan, dans le 36, dans l'Indre. Voilà. D'accord. Avec Alex, il y aura aussi donc un groupe de métal qui s'appelle Skydroll, et il y aura donc Archimède, qui est un groupe de Laval. Donc cette fois pas du tout dans la région, mais je pense que vous connaissez un petit peu. Oui, tout à fait. Archimède, d'ailleurs, je l'ai déjà diffusé dans l'émission Mavrica, puisque on les suit régulièrement. Moi, j'ai des nouvelles de ce groupe que je suis déjà depuis pas mal de temps. D'ailleurs, j'ai cherché un peu dans mon ordinateur. J'ai trouvé un titre. On va passer un petit morceau juste après. Le morceau, c'est peut-être pas le dernier. C'est un morceau que j'avais reçu il y a quelque temps. S'appelle Rebus. Je sais pas si tu connais. Alors oui, je connais. Album. Très bien, donc voilà, j'avais reçu il y a quelque temps, parce que à chaque fois qu'il y a des nouveautés, je suis en lien avec des gens qui font connaître les artistes, et Archimède est un des groupes que je suis déjà depuis pas mal de temps, quoi. Voilà. D'ailleurs, en plus, il se trouve que le festival a été créé en fait finalement grâce à eux. D'accord. Puisqu'ils cherchaient en fait. Au départ, il y a 50 des dates à un moment donné pendant l'été. Et en fait, on a parlé avec mon père et on s'est dit, mais ce qui serait bien, c'est qu'on les fasse venir. Et comme on est très branchés musique, évidemment, on s'est dit, pourquoi pas leur demander. Et c'est à partir de là qu'ils ont accepté. Et finalement, on les prend un peu comme les parents du festival, quoi. Donc... Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus contents qu'ils reviennent cette année, puisque là, c'est quand même les 5 ans, donc je pense que c'est une date plutôt importante. Tout à fait. Donc c'est bien de revenir aux origines et puis de leur rendre un petit peu faire un peu un hommage à ce groupe voilà, qui était ça. À l'origine de du festival. Bah voilà, c'est ça. Et puis c'est bien aussi de faire découvrir d'autres gens dont Alex et puis Skydroll qui en fait je pense vont être là aussi pour bien donner la pêche aux gens et voilà, je trouve que c'est important. Surtout en ce moment. Oui, ça c'est important. Surtout en ce moment, ouais. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a eu l'épisode du Covid et tout ça. Les gens maintenant commencent à revenir un petit peu au festival parce que tous les organisateurs de festivals, les associations et tout ça qui s'occupent justement des artistes ont passé vraiment un mauvais moment puisqu'il y en a beaucoup qui ont clashé et tout ça. Hein. Mais heureusement, c'est derrière nous et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui se remettent au travail pour justement faire découvrir les artistes et Dieu sait que nous en avons de bons ici sur en France hein, voilà et surtout nous sur notre festival c'est aussi l'occasion pour nous de présenter des gens qui sont un peu dans la région vraiment centre Val de Loire voilà et c'est vrai que grâce à ça bon nombre de gens dans le public nous ont déjà dit ah bon, on ne connaissait pas le groupe, on aime bien. Et c'est vrai qu'on est content d'avoir réussi à participer à ce festival, parce que c'est vrai que ce n'était pas gagné à cause de la période du Covid. Mais on est content d'avoir tenu bon. Et on espère que cette année, ça va encore marcher comme c'était l'année dernière. Mais il n'y a pas de raison. Je pense que ça va être une belle date. Alors, il y a un truc qu'il faut dire, Albino, qui est super important. C'est que quand même, donc ça fait un beau festival, belle tête d'affiche, etc. Ah oui, oui. Et les places ne sont que à 10 euros. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas un festival où on arrive à 40, 50 euros la place. Donc, c'est vraiment hyper vraiment accessible pour aller voir ce genre de groupe. Ouais, ouais. Donc je trouve ça génial comme initiative. Ouais. Et puis c'est gratuit pour les mineurs accompagnés. Donc voilà. Si les gens viennent avec des enfants, par exemple, on va. Voilà, ouais, c'est pour tous les âges. Voilà, c'est ça. Très bien, mais ça c'est une bonne chose, ça, parce que justement, moi j'aime bien quand il y a toutes les générations qui sont mélangées, parce que des fois il y a la musique, c'est plus pour pour les jeunes, d'autres c'est plus pour les cinquantenaires, d'autres c'est plus pour les quarantenaires. Voilà. En vérité, il y a pas d'âge. La musique, elle est bonne, elle peut être partagée par toute la famille. Donc justement, et là, ce que je vois aussi, c'est que les groupes que vous choisissez, par exemple, il y a un groupe de métal, il y a de la chanson française, peut-être de la pop. Vous mélangez un peu les styles de manière à ce que tout le monde trouve son compte, quoi. On essaye de mélanger un peu tout, même si à la base notre musique de prédilection c'est plutôt le rock, mais on essaye de mélanger un peu tout pour que ça plaise à tout le monde. Et puis, en fait, comme le festival a été créé vraiment de façon familiale, c'était important qu'on reste sur ce plan-là. Et, parce que, oui, je tiens à préciser aussi que, par exemple, mon frère a été sur le festival en tant que chanteur, puisqu'il fait partie de plusieurs groupes de métal. Donc, voilà, ça perpétue aussi ce sujet de famille, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc, vous êtes sensible aux artistes. Et son frère qui est d'Orléans. Ouais, il est. Donc, peut-être tu as déjà rencontré avec un de ses groupes. D'accord. Ouais. C'est quoi comme groupe? Parce que peut-être. Alors, il a Fate for Fate, par exemple, sur Orléans. Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai pas reçu, mais. Il avait Collide with Your Pride aussi. Et puis, il en a eu d'autres. T'as déjà dû le croiser, je pense. D'accord, ouais, je pense. Il y a bien des chances. Hein. Et puis, en plus, il y a quand même des concerts. C'est vrai que sur Orléans, il y a quand même pas mal de bon, on sait que c'est une ville où il y a beaucoup de rock. On connaît aussi les punks à Orléans. Et il y a aussi quand même un public métal et hard rock assez important. Donc, je les salue parce que je sais que la plupart écoutent l'émission Mavrica. Et on reçoit assez régulièrement des artistes, justement, de toutes les tendances. On aime bien le rock, mais après, on sait écarté un petit peu parce qu'on s'est dit à la limite quand la musique elle est bonne et on va pas chercher à caser les gens dans des cases. Ce qui est le plus important, c'est de partager de la bonne musique tous ensemble. Et puis quand il y a des gens qui viennent ici dans les studios pour défendre leur travail, eh ben on leur donne la parole. Et puis finalement, on arrive toujours à être conquis parce que c'est une culture musicale qu'on peut avoir. Et c'est dommage de se restreindre à une seule type de musique. Il faut en écouter plusieurs. Et puis dans tous les styles, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, voilà, tout simplement. Oui, et puis enfin, moi, je pense, et je pense que mon père serait d'accord aussi s'il nous écoutait là, que en fait la musique, c'est un peu voilà, l'essence de la vie. D'ailleurs, Alex, il le dit souvent dans ses chansons, j'ai l'impression. Voilà. On le disait il y a quelques minutes avec Cyprien aussi, en disant voilà, je pense que la musique, c'est quelque chose, voilà, c'est essentiel dans la vie, parce que une vie sans musique serait une erreur, comme on dit, hein. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai. Ouais, depuis que je le dis dans l'émission, hein, ça fait déjà pas mal d'années qu'on le dit à la fin de chaque émission, j'ai trouvé personne qui n'était pas d'accord avec cette phrase-là, parce que finalement, c'est vrai que la musique. On peut être musicien soi-même, mais on peut très bien apprécier la musique sans l'être. Voilà, la musique, ça fait partie de notre vie. Hein. Les sons qu'on entend autour de nous, bah, c'est déjà des musiques. Les pas qu'on a, la pluie qui tombe, etc. Les gouttes, voilà, tout ça, ça fait un rythme, ça fait une musique. Et puis dessus, après, c'est dans la nature. Hein, voilà. Et autre chose aussi, on en parlait il y a pas très longtemps aussi dans l'émission, c'est le silence fait partie de la musique. Et il faut savoir aussi écouter le silence, parce que c'est la base même de la musique. Voilà. Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'intervenir dans l'émission pour nous parler justement de ce festival. D'autres choses à rajouter qu'on n'aurait pas encore abordé? Alors, j'ai pas précisé, mais évidemment, il y aura la restauration sur place avec une buvette. Hein. Ça paraît logique, mais je préfère le redire. Non, mais c'est bien de le savoir, parce qu'il y a toujours des gens qui se demandent, est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on mange avant? Voilà, alors que là, non, vous venez comme ça, comme vous, voilà, dès que vous êtes prêts, vous y allez. T'as failli faire une pub, là, hein, quand même. Vous venez comme vous êtes. j'ai vu l'image du hamburger. Ah bon. Ah non, ça c'était involontaire. Involontaire. Voilà. Mais en attendant, voilà, vous venez, hein, et puis sur place, vous trouverez tout ce qu'il faut, hein, pour passer une bonne soirée. Très bien. Et puis, au niveau de l'adresse, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est à l'espace Armand Després, donc à Vatan. Et en cas d'attente aiguille, ce sera à la salle des fêtes, mais on espère qu'il ne pleuvra pas. Donc voilà. D'accord. Ça, c'est pareil, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut prendre nos places dès maintenant sans se soucier de la météo, parce que d'une façon ou d'une autre, eh ben, ça aura lieu et on pourra aller voir ces trois artistes-là. Donc, bah, oui, donc c'est bien. D'ailleurs, Alex, t'as raison de le préciser, parce que les places sont limitées, donc il vaut mieux réserver à l'avance. Voilà. Très bien. Ce que j'ai fait, moi, j'ai partagé tout à l'heure le lien sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc, il y a un lien justement pour ce festival. Donc, il y a un événement Facebook qui existe. Alors, le festival Vatan, le retour du son. Pour les gens qui sont intéressés, qui n'ont pas eu le temps de tout noter, vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrika, et sur le mur, vous trouverez donc le lien pour cet événement. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, en tout cas. Merci à tout le travail que vous faites, vous et vos bénévoles et tous les gens qui s'occupent de ce festival. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, on espère que cette édition sera meilleure que la précédente et moins bonne que la suivante. Voilà, moi, j'espère aussi. En tout cas, c'est super de m'avoir donné l'opportunité d'en parler ce soir. Très bien. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis, t'embrasses bien toute l'équipe. C'est grâce à tous ces gens-là que les artistes, on a besoin les uns des autres. Hein. Et donc, il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal pour créer ces événements. On ne se rend pas compte, mais c'est énormément de travail de leur part. Énormément de travail. Tout ça parce qu'ils ont une passion qui est la musique, qui est les rencontres. On fait nos balances, on joue. Mais derrière, il faut trouver une scène, il faut des ingé sons, il faut du matériel, il faut la buvette, il faut la sécurité. En amont, tout est préparé. Il y a énormément, énormément de choses, hein, les affiches, les, enfin voilà, tout ça. Donc c'est vrai que Cyriel et Hervé font partie de ces personnes autant généreuses et pour le public et pour les artistes aussi. Donc un grand bravo à vous deux et puis à tous ceux qui font encore, ça. Et puis de toute façon, on ne ferait rien sans les artistes. Donc voilà, c'est surtout grâce à vous qu'on a la motivation. Et puis c'est vrai, vous avez eu raison de le rappeler tout à l'heure, mais pour les bénévoles aussi. Parce que je tiens à préciser que pareil, hein, s'il n'y avait pas de bénévoles, s'il n'y avait pas de gens qui nous aidaient, bah, il n'y aurait pas de festival. Donc c'est important de le dire aussi. Et de les remercier, quoi. Voilà. Merci en tout cas et bravo en tout cas pour ce que vous faites et continuez comme ça encore de nombreuses années. Ça, c'est important pour les artistes et pour les gens normaux. Hein. Tous les gens apprécient la musique et puis donc c'est l'occasion de se retrouver autour d'un petit repas, voilà, et puis avec un bon verre et puis écouter du bon son, entouré de bonnes personnes. Voilà, ça, c'est le plus important dans la vie, je crois. Il n'y a rien d'autre qui compte à part ça. Très bien, donc merci beaucoup, très bonne soirée et puis à une prochaine. Au revoir. À bientôt, merci. Allez, bonne soirée. Ciao. Voilà, encore une personne qui intervient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par l'intermédiaire du téléphone, parce qu'il n'était pas dans le studio. Oui. Mais voilà, dans l'émission, heureusement, il y a des gens qui sont ici dans les studios. Alors ce soir, tu es venu avec Amandine, mais il y a aussi des gens qui interviennent par téléphone et de toute la France, on a pu le constater tout à l'heure. C'est très ça. Bien. Une émission riche ce soir, hein, qui est passée une vitesse incroyable, comme d'habitude. Enfin, c'est pas encore fini, on est oui. encore ensemble pour quelques minutes. Et à la limite, si on n'a pas le temps, on dépasse un petit peu, il n'y a pas de souci. Oui. On envoie tout de suite le titre d'Archimède que j'ai calé. Oui. Et puis après, on se retrouve à nouveau pour... on va peut-être dépasser un peu de quelques minutes. Je pense que les gens ne nous en voudront pas. On écoute tout de suite Archimède avec le morceau qui s'appelle « Rébus ». Ouvre la fenêtre, on reprend de mon troisième. Voilà, ça termine assez brutalement. C'est donc Archimède avec Rébus. Donc, vous avez pu jouer, si vous vouliez, à faire le petit Rébus en direct live dans l'émission Mavrika. On revient avec notre invité, Alex Le Bail, qui a pris sa guitare. Oui, et je suis toujours là. On m'entend là ? Oui, on m'entend. Ouais, on t'entend un petit peu loin. Ouais. Il doit y avoir un micro qui est peut-être pas bien dirigé, ouais, ou alors t'es un petit peu loin. Parce que tu avais apporté ta guitare, on arrive à la fin de l'émission, et t'as toujours pas interprété de morceaux. Alors tu vas nous en interpréter au moins un en direct. Oui, oui, oui. Bah, moi, ce que je propose, on va faire un truc qui n'était pas prévu, comme ça. C'est... je vais te faire un morceau, forcément. Attends, il y a un petit souci avec le micro, je t'entends pas bien comme il faudrait. On va essayer de faire les petits réglages. Non, c'est bon, là. Voilà. Il n'était pas allumé, celui-là. D'accord, oui, c'est ça. Ouais, parce que tu as changé de micro. Voilà. Donc, celui que j'avais mis pour ta guitare, finalement, tu le prends pour le chant. Donc, c'est bon. Donc, là, maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Oui, donc, du coup, je disais, je te propose de faire un premier titre à moi en guitare-voix, quoi. Et puis, comme on a commencé avec Meyel, Amandine, qui reviendra quand son projet sera finalisé, ouais, fait, dans ouais. pas très très longtemps. Donc moi, je peut-être à partir du mois de septembre, c'est bien, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, ouais. Le projet, là pour l'instant, vous êtes en train de travailler dessus, et ça sera fait normalement. Je suis en train d'enregistrer, ouais. D'accord, ouais. Très bien. Moi je propose, c'était absolument pas prévu, hein, donc c'est ni travailler ni quoi que ce soit, mais je propose qu'on fasse une petite reprise d'une chanson. Et voilà, ce sera la dernière pour clôturer l'émission. Une reprise d'une chanson, c'est-à-dire à deux du coup. D'accord. Ouais, on va la faire chanter pour que les gens découvrent aussi. Ah oui, tout à fait. Oui. Découvrent aussi ça. C'est vrai que l'émission s'est passée tellement vite, mais il y avait tellement de sujets à aborder. On va peut-être s'attarder un petit peu justement sur on va dépasser un petit peu l'heure. En parlant un petit peu d'Amandine aussi, hein, ça c'est important. Bah oui. Voilà. Merci. Donc, allons-y, comme vous voulez. On part sur deux titres. Le premier, qui est mon titre à moi, qui s'appelle Le Tourment. Ouais, le Tourment, oui. Que tu connais bien, que je passe assez régulièrement. Hein, voilà, il faut quand même le dire. En version acoustique. Et puis après, je pense qu'on partira sur Kyo avec Dernière Danse, un petit peu dans l'air du temps. Là, ça revient, Kyo. Donc. D'accord. Donc voilà, ça peut être marrant. Très bien. Faut que je me rappelle de tout ça mélangé, mais c'est bien, c'est en fin d'émission. On fait ça à l'arrache, hein, on est en live. Et voilà. Donc on commence par dépasse l'horaire. En plus, c'était pas prévu, mais voilà, ça va se faire quand même. Donc deux morceaux à la suite en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et dans l'émission Mavrika. Le Tourment. Ce matin, comme tous les matins, je me bouscule, envie de rien. Une fois pris, je ferme ma clé. Mes sentiments, un mot imparfait. Tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard, je cherche des réponses. Les semaines, j'ai enfin éteint, j'entends les sirènes. Un seul mot d'ordre, une seule vérité. Ce que je trouverai face à ma réalité. Tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard, je cherche. Même entouré, je me sens isolé. Et j'avance seul dans le brouillard. Aucune chance face à ce miroir. Tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard, je cherche des réponses. Tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard, je cherche des réponses, je cherche des réponses. son cœur effleurait, sans foi, sans visage, et trouvait de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur pureté de ses formes. Parfois je l'ai laissée encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence. Je veux juste ses mains, le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Je connais l'histoire, il est déjà trop tard. À son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, un vertige. Il y a tout là. L'émotion était là dans les studios Radio Arc-en-Ciel en direct live. Donc Alex Lebaille et Amandine pour qui ont fait une reprise de Kyo, une dernière danse. C'est bien complètement ça, improvisé. Complètement improvisé. Ouais, mais franchement, mais ça a permis à moi et aux auditeurs de découvrir la voix d'Amandine. Et ouais, effectivement. Donc la bienvenue dans l'émission Mavrika, elle a tout à fait sa place. Donc j'ai passé le test. Voilà, t'as passé le test. En tout cas, voilà. Et on a la chance dans la région orléanaise, parce qu'on est dans la région orléanaise, et heureusement, on reçoit aussi des artistes qui viennent d'un peu plus loin. On a la chance d'avoir de très bons artistes autour de nous, et des fois, quand on voit qu'on va à l'autre bout du monde chercher des gens qui ne chantent pas forcément mieux que les artistes que nous recevons ici, ben, il faut défendre, chacun doit défendre la musique locale, ça c'est important, et il y a des gens bien partout, il faut essayer de les dénicher, et dans la région orléanaise, on a cette chance-là d'avoir de très bons artistes, et j'ai pas fini de les découvrir et de les faire des découvrir. Des talents cachés. Non, on veut les révéler. Voilà, il ne faut pas qu'il reste caché, justement. En tout cas, bravo pour cette interprétation en direct live. Et je voulais aussi vous diffuser un petit message. Donc, c'est notre ami Florent qui nous envoie son petit message, celui qui nous fait le podcast. Bonsoir Albino, bonsoir Alex Lebaille et Amandine. Le podcast sera disponible, mais cette fois-ci, c'est Albino qui va me l'envoyer. Parce que il y a un petit problème du site internet, donc j'ai pas toute l'émission, et dès qu'Albino me l'a envoyé, je le repartage et je vous fais le podcast. Allez, bonne soirée. Voilà. Continuation. Voilà, c'est notre ami Florent un qui gros bisou à Florent qui fait qui est toujours là qui est toujours là qui écoute toutes les émissions. Alors il écoute l'émission Mavrika, ça j'en suis certain puisqu'à chaque fois il intervient, mais il écoute aussi toutes les autres émissions, toutes les émissions qui sont faites par les animateurs locaux ici à Orléans, parce qu'on diffuse aussi RTP international tout ça, mais on a aussi nos émissions qui sont faites ici et il les enregistre toutes et il les met sur un site, donc je vous partagerai le lien très rapidement. Et notre ami Florent enregistre régulièrement l'émission. Et ce soir, il a eu un petit souci. Heureusement, moi, j'ai amené mon petit enregistreur. Et donc, on a l'émission. Je lui transférerai et il la mettra, comme d'habitude, sur le site. Et donc, dès que le lien sera disponible, on le partagera à nouveau. Comme ça, vous pourrez, si vous avez loupé l'émission, l'écouter. Si vous l'avez aimer, la réécouter, et si vous l'avez adoré, vous pouvez même la conserver, puisque vous pouvez télécharger carrément le fichier et le conserver dans votre ordinateur pour le réécouter dans un an, deux ans, trois ans, dix ans, 50 ans, pourquoi pas. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Oui. Quelque chose encore à rajouter qu'on... Oui, on va encore faire plein de choses. Il va falloir que tu reviennes avec Amandine. Parce que là, on n'a pas le temps de tout faire. Un grand moment de radio, moi, Albino, que tu n'as jamais vu dans ta vie d'animateur, puisque du coup, déjà un grand merci pour cette émission, pour la gentillesse comme d'habitude qui est passée à une vitesse terrible et etc. Donc je vais pas aller plus loin, on va pas trop parler. Et du coup moi je propose c'est que les deux trois dernières minutes qui restent, ce soit Amandine qui les fasse et qui finisse l'émission avec toi. Donc vous allez entendre des bruits un peu bizarres puisque je joue le jeu et je quitte le studio. On se retrouve une prochaine fois. Tu me laisses avec Amandine. Merci moi Albino pour tout et puis bon c'est reparti pour 3 heures d'émission hein. Allez, on est parti. Et je quitte vraiment le studio, vous allez entendre des bruits de portes. Avant que tu quittes le studio, merci à Alex quand même de m'aider, de me soutenir, de me donner des conseils, de m'emmener dans des endroits fous comme ici. Premier passage radio ici, pour moi. Ici, c'est un endroit fou, hein, c'est vrai que... je suis ravie d'avoir été là. C'était une très, très bonne, expérience. Les 3 heures sont passées à une vitesse folle. Mmh. Donc maintenant, tu connais l'adresse, tu sais où on se situe. Donc, donc il faut se garer. Il y a un truc, un parking à côté. Vous vous garez, vous venez dans l'émission. Et à chaque fois, on passe un bon moment. Alors, l'émission va se terminer, on va rendre l'antenne. Mais dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on continue. C'est-à-dire que derrière, on se retrouve à nouveau à la cafette. On va boire un petit coup ensemble. Et puis après, on prend des photos. Et comme ça, ça sera des souvenirs pour les prochaines années. Et depuis 14 ans, on en a fait des photos. Et puis des fois, on revient un an, deux ans, dix ans en arrière. Et on voit les gens, on dit, tiens, ça a changé. Tel groupe n'existe plus. Tel groupe s'est reformé. Lui, un tel. Et voilà. Et donc, ça fait partie. On écrit quelque part des pages de la musique, orléanaise. Dans l'émission Mavrika, tous les vendredis soirs, on écrit une nouvelle page. Et ce soir, en tout cas, c'était une page consacrée à Alex Le Bay et à Amandine. Donc, avec ton nom d'artiste, Meyel. Voilà, vous pourrez retrouver mon EP en septembre. J'ai fait un petit peu de pub avant, quand même. Et donc je suis en train de l'écrire avec mon petit frère. D'accord, en famille. C'est mon petit frère qui produit mes chansons, qui est dans la musique depuis lui plusieurs années. Et puis, comme je disais, moi, là, je viens de tout lâcher pour me lancer dans la musique. Alors, moi, c'est pas le Covid, mais j'ai eu des épreuves de vie. Et ça remet les priorités un peu différemment. Et envie de me dire que la musique que j'ai dans ma vie depuis toute petite prenne plus de place que ce qu'elle prenait déjà. J'ai aussi eu le Covid où j'ai plus pu chanter pendant plusieurs mois. Parce que j'avais des problèmes aux poumons. Ah ouais. Et le fait de me dire que quelque chose qui était là depuis le début, acquis, pouvait s'en aller, ça donne envie de se dire je vais en profiter à fond. Voilà. Donc, ça me rappelle aussi, ça c'est les expériences de la vie. Hein. Mais moi je me souviens qu'une fois j'avais été opéré du genou et je me suis dit dès que je pourrais, j'irai courir. Et là c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est vivant, on peut faire plein de choses et tout ça. Et on est tellement, c'est devenu banal finalement. Par exemple, quand tu chantes tout ça, tu te dis c'est normal tout ça parce que tu as toujours chanté, parce que tu as toujours vécu. Mais c'est le jour où tu n'as pas pu le faire que tu te dis c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, tu nous l'expliques très bien. Et puis, cette rencontre au hasard avec Alex, parce que j'ai juste été lui acheter des vêtements pour mon fils. Bon, maintenant qu'il n'est pas là, on peut dire du mal sur lui. Hein. Exactement. Il n'y a pas de souci. Non, c'est vraiment quelqu'un de très généreux et qui aide sans rien demander en retour. Tout à l'heure, on parlait justement des rencontres. Et c'est vrai qu'Alex, il est venu une fois, deux fois, trois fois. Et aujourd'hui, il fait partie vraiment de la Mavericka Family. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus. Mais on a un lien particulier. C'est-à-dire qu'on s'appelle. Tiens, on se fait une émission. Je le cale aussitôt. Et puis, des fois, on a même fait des sorties ensemble. C'est vrai que dernièrement, on ne l'a pas trop fait. En plus, on n'a pas eu le temps de parler de son petit chien aussi, parce qu'on a aussi la passion pour les animaux. On va en parler hors antenne tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un de très très agréable et c'est toujours un plaisir pour moi de le recevoir dans l'émission. Et surtout qu'en plus, il prépare son émission. C'est-à-dire que moi, ce soir, j'ai tout découvert. C'est pour ça que j'étais peut-être pas tout à fait top, mais parce que tout s'est fait un petit peu à l'arrache. On aime bien comme ça dans l'émission. Et c'est Alex qui avait tout prévu, donc avec les intervenants, avec déjà il est venu avec toi. Et... Ah, moi, j'étais pas au courant que j'allais parler. mais là, c'est fait. Voilà. Très bien. En tout cas, Amandine, ça te fait pas peur d'aller justement de dire je veux vivre de la musique et faire de la musique, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas très évident de. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont professionnels, c'est leur métier, mais ils vivent pas. Ou alors on devient une star et puis on peut gagner beaucoup d'argent. Mais les gens qui gagnent beaucoup d'argent avec la musique sont très. Très peu alors nombreux après, par j'ai rapport d'autres petits projets à côté, voilà, de faire des mariages, de faire des choses avec les écoles, les hôpitaux, etc. Donc ça, voilà, c'est un peu annexe, mais j'ai envie de pouvoir lancer mes chansons et de pouvoir véhiculer ce que j'ai à dire, parce que voilà, on puise dans nos expériences de vie, les musiciens, et j'ai des choses à dire, donc voilà, j'ai envie de me dire pas de regrets et je vais jusqu'au bout et je sens. Que je dois le faire maintenant, je sais pas pourquoi, mais je sens que je dois y aller. Et puis, le fait d'avoir rencontré Alex pile poil au moment où je me lançais, où voilà, il commence à m'emmener à certains endroits, etc., je me dis, c'est vraiment que c'est peut-être le moment. Voilà. Mmh. Et puis, je me dis, vaut mieux faire et ne pas y arriver que de regretter de ne pas l'avoir fait. Ouais. Très bien. Et en plus, lui, c'est quelqu'un qui va. Il nous l'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il s'est pris un peu des gamelles au départ, c'est-à-dire qu'il a appris par lui-même et tout ça. Il y a des choses, à la limite, il aurait voulu être un petit peu coaché au départ. C'est ça. Et aujourd'hui, avec son expérience, il veut justement aider les jeunes et ça, c'est formidable. Donc, je reconnais bien Alex derrière cette description-là, mais ça veut dire que quelque part, donc, tu es contente d'avoir une personne comme ça qui te donne encore plus de pêche pour continuer dans ton projet. Ça me motive, ça me permet de me dire, il y a peut-être des erreurs qu'effectivement je ne vais pas faire parce que du coup il me partage son expérience. Et puis je suis un peu sous son aile, c'est agréable de se sentir un petit peu soutenue, on a moins l'impression de sauter dans le vide. Voilà, j'imagine. Donc, c'est la rencontre au bon moment, une belle rencontre et on s'entend bien et voilà, et ça permet de se dire que voilà, peut-être c'est le moment et on y va. Très bien. Alors tu vas sortir bientôt un disque, c'est ça? Un EP, donc ouais. Au mois de septembre, il sera prêt. Il y aura combien de titres dedans? 4 ou 5, j'espère 4 5. 4 ou 5, très bien. Et, cet EP, il est enregistré où? Je l'enregistre du coup dans le studio de mon frère. Il a un studio sur Paris et on l'enregistre ensemble. Moi j'arrive avec mes paroles. Mes idées, mes musiques, et puis il m'aide à essayer d'aller au meilleur de moi-même et au service de ce que j'ai envie de dire. Donc je sors de 2 jours de session d'enregistrement. Voilà, très bien. Donc on imagine le travail. Moi je crois qu'on va faire une émission ensemble de toute façon dans quelques temps. Mais je vois que tu as envie de défendre ton truc, tu y crois vraiment et tout ça. Ouais. Et ça c'est formidable parce que j'ai des sujets qui me tiennent à cœur. Donc j'ai envie de les faire partager. Ouais. Donc on se donne rendez-vous après les grandes vacances vers le mois de septembre et puis tu viendras ici pour nous parler. Et on fera une émission spéciale justement que pour toi. Donc super. Où tu nous parlera de la musique et tu pourras même interpréter des morceaux en direct live comme avec ce soir. Joie. Ça sera avec beaucoup de plaisir en tout cas. Avec joie aussi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bah, c'est un plaisir. Voilà, on l'a dépassé un petit peu, on a un petit quart d'heure. Bon, j'espère que personne ne nous en voudra. Est-ce qu'on va, on arrive à la fin de cette émission. Je vais rappeler d'ailleurs les personnes qui vont venir la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on aura ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on aura Elsia, donc, qui est déjà venue à plusieurs reprises. Alors, cet artiste, à chaque fois, sort des nouveaux morceaux. Et c'est pas seulement des morceaux, elle fait le clip vidéo, elle fait aussi les décors, tout ce que vous voyez dans les clips vidéo, c'est elle qui le fait, elle fait elle-même ses vêtements, etc. Donc c'est vraiment son image qu'elle met en scène. Et elle s'y viendra ici pour nous parler de son dernier clip vidéo qui s'appelle Cœur à cœur, que nous avons déjà diffusé plusieurs fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Et justement, donc on sera content de la retrouver. La semaine suivante, ça sera le 17 mai, nous aurons ici dans les studios le groupe La Jarry. Voilà, ça fait un petit moment. Habituellement, ils viennent tous les ans vers Noël. Là, il y a un petit peu de retard, mais c'est pas bien grave. Ils se sont fait désirer un peu plus longtemps. Donc voilà, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on retrouve à chaque fois Benoît et David hein, qui viennent nous représenter le groupe La Jarry, parce que bon, à chaque fois, c'est tous les deux. Si les quatre veulent venir, il n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Le vendredi 24 mai, on va recevoir ici le groupe BRS Band. Donc, c'est une découverte. Hein. J'ai discuté un petit peu avec la chanteuse Céline par téléphone. Et bon, ça me donne bien envie de les recevoir et de découvrir leur univers. C'est un groupe que je ne connais pas encore pour l'instant. Je me suis juste un petit peu intéressé. J'ai regardé un peu les vidéos sur Internet. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'on terminera le mois, donc si je calcule bien, ça sera le 31. Le 31 mai, ça sera avec Yavanna qui viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce qu'elle a plein de choses à nous dire et puis elle nous dit que son aventure continue et puis donc elle va encore nous parler de son univers et ça sera pour le plus grand bonheur de tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission et on va dire les phrases magiques. Hein, c'est que le rock'n'roll saute avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Everything is gonna be alright. Voilà, cette émission numéro 512 se termine. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous donc vendredi prochain à partir de 19h. Voilà, merci beaucoup en tout cas Amandine d'être venue. Merci à toi. Je dis au revoir à Alex qui est passé de l'autre côté, donc qu'on n'entend plus. Mais voilà, le cœur y est, il nous fait un petit coucou. Et puis on rend l'antenne et puis on se retrouve la semaine prochaine sur le 96.2 MHz et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, cette émission est terminée et on va se quitter avec une dernière chanson. Alors qu'est-ce que j'avais calé ? J'ai calé une dernière chanson. Voilà, c'est que je cale des chansons et après j'oublie laquelle j'ai calé. Donc ça s'appelle Mon Fils et c'est la chanson que j'ai gardée pour la fin de cette émission. Et c'est notre ami Alex Le Bail. Attendu si longtemps, je me souviens du ventre de ta mère, qui de jour en jour grandissant me rendait humain et tellement fier. Mon fils, ma force, mon sang, si tu n'es pas un grand homme, ouvre ce livre et ce tome. Sois fier et sois un homme grand. Enfin te voilà arrivé, si petit, mais pourtant si aimé. Ton sourire semble parfait, dans tes yeux je me sens exister. Mon fils, ma force, mon sang. Un grand homme, ouvre ce livre et ce tome. Rends-moi fier et sois un homme grand. Oh mon fils,